Merci pour cette soirée. Merci. 01 42 46 5000, c'est le numéro de téléphone. Hein. Ouais. N'hésitez pas à vous lâcher. On a un petit Snapchat très sympathique. On a reçu plein de photos. Merci pour toutes les photos de torse que vous avez envoyées pour Karima. Et de seins, pour toi. Et de poitrine, bien sûr. De seins, comme tu dis, Doc. Des beaux décolletés. Hein. Pas de poitrine encore entièrement découverte, mais... c'est la période la plus excitante. Parce que quand on les voit, c'est moins beau. Ben non, c'est moi j'aime bien. C'est de suggérer qui est excitant. Oui, mais j'aime bien voir aussi. Ouais, alors, c'est Love in Fun Radio, c'est ça? Et c'est quoi notre Snapchat? C'est ça, Love in Fun Radio. Love in Fun Radio, n'hésitez pas à vous connecter, vous envoyez plein de photos. Et nous, on vous envoie des photos aussi de ce qui se passe pendant l'émission. C'est un petit partage, un échange. On va retrouver Mickaël. Bonsoir, Mickaël. Comment ça va? Salut. Ça va bien. Bon, tant mieux. Bon, ça va, vous êtes bien marré apparemment là. Hein. Ah bah, ouais. Comme tous les soirs. Hein. Ah, ta zone érogène préférée, c'est quoi toi? La zone érogène, quoi, chez une fille? Non, chez toi, la tienne. Mickaël. Ah, chez la bite. Un bel habit. Bah oui, appelons un chat un chat. On va pas commencer à chipoter dans le détail. C'est comme l'autre tout à l'heure, là. C'est quoi ton truc préféré? La beauté intérieure, mais quel menteur. Oh là là. Non, mais il y a un moment, faut être clair. C'est comme les gens qui disent, oui, mais moi je regarde la beauté intérieure. Si on lui propose 10 meufs, il y a des bombasses et il y a des moches, il va automatiquement d'abord aller voir les bombasses, quitte à se prendre avant. Mais on est d'accord. On est d'accord, voilà. Bien donc il y a un moment, faut quand même pas mentir non plus. Mais bon. Ouais, bon. Ça ne reste que mon avis. Mais ta zone érogène secondaire. Le lobe des oreilles. Le trou du cul. Voilà, tu l'as eu. Eh ben voilà, je l'attendais. C'est ça que tu me carrelles, voilà. Merci. Bon, merci. Ben voilà, comme ça c'est fait. Voilà. Bon, ben bonne soirée. Hein, on rendez-vous demain. Bisous. Tout en poésie, bien entendu. Hein. Des bisous, les garçons. Salut à vous. Bonne ciao. Émission. Merci. Puis on est parti jusqu'à 2h. J'ai enfin trouvé la lampe du génie. Je vais enfin pouvoir faire les trois vœux. Alors, que Mickaël, nos limites durent longtemps, qu'il continue à nous faire rire, et qu'il soit tous les soirs au top. Tu ne désires pas de montagne d'or, de Ferrari ou d'un vie éternelle? Non, Mickaël m'offrira le reste. Oh my God! Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Eh oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. À un moment, je me suis dit, putain, il est tout seul là. Parce qu'il y a Pizza 4 Fromages qui dit, il y a enfin quelque chose à écouter le soir à la radio. Bah oui, sur Twitter. Et Mickaël qui dit, c'est vrai, Toff est mort. Ouais. Non, on a mis ça hier. Enfin, oui, il est mort, mais ça fait longtemps. On a mis ça hier sur le Twitter de l'émission. Parce qu'apparemment, il y avait un petit rigolo qui avait fait ça avec Gad Elmaleh ce week-end en disant qu'il était décédé. Ça avait affolé Twitter, la toile, etc. Donc j'ai mis un tweet également disant que Toff était décédé hier. Et ma mère n'a pas trouvé ça drôle. Oh non, sérieux? Oui. Bah, c'est pas rire. Non, mais il y en a plein qui m'ont. Ouais, bah, c'est pas drôle. Non mais c'est parce que vous n'étiez pas à l'écoute, c'est pour ça. Et bravo également à Jared Leto là, qui, comme je l'avais prédit, a eu son Oscar. C'est vrai, mais il le méritait. Mais il le méritait, effectivement. Et ce qui était vraiment très très fucking ouf, c'est que la présentatrice, la Ellen DeGeneres, là, qui lui a fait... DeGeneres, ouais, enfin bon, bref. Lui a fait livrer de la pizza. Comme quoi, aux États-Unis aussi, ils savent qu'en France, il y a enfin quelque chose à écouter le soir à la radio. Et ça, ça fait plaisir. Bah, merci Ellen d'avoir fait livrer la pizza qu'il avait commandée dans les studios de Fun. Et bon, bah, c'est Mickaël No Limit. Tous les soirs, on est là, 23h, 2h, du lundi au jeudi. Le dimanche également, de 20h à minuit, comme hier soir. Est-ce que t'as écouté hier soir, toi, Joseph de Bourges? Ah bah oui, carrément. Ah bon, bah très bien, alors parfait, donc t'as entendu plein de choses. T'as été également témoin du décès de Toff à 20h. Oh, c'était beau. Non, j'étais pas là, je suis arrivé qu'à 23h, moi. Eh bah bravo. Ah ouais, bah 23h, presque à la fin de l'émission. Mais enfin bon, c'est mieux que rien, c'est très bien quand même. Bon, t'as passé une bonne journée, un bon week-end, toi? Alors, le début du week-end à voir, sinon une bonne journée, ouais. Ouais, d'accord, ok, bon écoute, tu fais quoi dans la vie? Je suis pion, alors dédicace à tous les élèves. Oh l'enculé, saloperie, saleté, qu'il soit tué de... Non, on rigole. Après, il y a des biens et puis il y a des trous du cul quand même. Bah, c'est quoi le nom de ton bahut? Le lycée Alain Fournier à Bourges. Ah, bon, Alain Fournier à lui, Bourges d'ailleurs. Bon, si vous êtes étudiant, si vous êtes dans le lycée Alain Fournier à Bourges, appelez-nous pour nous dire si Joseph le pion est un connard ou pas. Alain Fournier, alors, pour ceux qui ont un peu de culture, le grand Maulne. Oui, voilà, carrément. Alors en fait, je suis pas exactement pion. J'expérimente un nouveau poste en fait, qui est exactement animateur d'internat. Animateur d'internat. Et tu fais comme les DJ, tu fais ok, bonjour, bienvenue ce soir. Attention, on va se coucher à 22h. C'est ça ou non, pas 22h30 pour eux. Ah, 22h30, bien sûr, pas de problème. On peut, hein, c'est possible. Bon, écoute, on va parler avec toi dans quelques minutes, donc reste avec nous pour passer à l'antenne et délirer avec nous, comme là, avec Joseph en l'occurrence. Eh bien, appelez-nous 01 42 48 5000, 02 851 4x0. On parle de ce que vous voulez. Sandro va bien, passez une bonne journée. Ouais, très très bonne. La voiture pas perdue? Non, tout va bien. Bon, bah alors tant mieux, parce que je rappelle qu'elle a tendance à oublier sa voiture, enfin l'endroit où elle l'a garée, hein. Donc, Toff également va rappeler des amis, hein. Mais oui, notre... De nouveaux amis. Et notre ancien ami du jeudi. Et notre ancien ami du jeudi. Enfin, de jeudi. Bah, tu sais, c'est celui qui arrête pas de me dire qu'il faut que je le... Enfin, qui va m'appeler les flics. Oui, qui oui, va oui. Donc, il n'est pas venu ce week-end, donc je suis très déçu. Donc, c'est je suis obligé de le rappeler. En fait, on l'avait appelé mercredi, il avait dit, ouais, bah, t'avais proposé de le rappeler. Et non, il t'avait dit, bah, rappelez-moi demain, vous verrez. Donc, on l'a appelé le lendemain, et puis j'avais toujours pas appelé la police. Et donc là, j'ai rien vu ce week-end, donc on le rappelle. Bah, très bien. Bon, on l'appellera. Donc, les amis de Toff, c'est ceux-là pour ceux qui ne connaissent pas. Va voir ta grosse mère. Elle est en train de se faire niquer dans un champ de bite, espèce de con. Voilà, donc c'était parmi les amis de Toff les plus sympathiques. Polo qui souffre toujours, hein, qui est toujours là bien sûr, ouais. Qui souffre de la trottinette la semaine dernière, qui souffre des Jeux Olympiques ouais. La semaine d'avant. Ouais. Bref, deux semaines angoissantes. Ouais, j'ai mal à la fesse, j'ai mal au dos, j'ai mal à... Ah partout. Bah ouais, et en plus il va y avoir du lourd puisque ce week-end je rappelle qu'on sera à Neulémine Whiz Club vendredi soir aux alentours de 1h du mat. Si vous voulez des places, on en a un à vous offrir. Hein. Vous demandez, vous envoyez un mail sur le mail de Sandro, sandro@funradio.fr. Venez nombreux donc au Whiz Club et le lendemain on sera au Havre. Caliente vers minuit, 1h du mat également. Donc si là aussi vous voulez venir, on a des places pareilles à vous offrir. Et comme on sera au Havre toute la journée du samedi, bon, on va faire 2-3 trucs avec vous. Alors je sais pas encore quoi, mais si vous avez des trucs sympas à faire au Havre où on pourrait se retrouver, bah pas de problème. Hein. Toi viendras avec ses belles lunettes en forme de bite. Mais évidemment. Que je lui ai offert hier, qui était magnifique, qui lui allait ravir. Mais oui, je me suis trouvé tellement beau. Bah, je trouve aussi, ouais. Donc voilà, si vous voulez venir, en tout cas, on sera là donc vendredi à Neulémine au Whiz Club et samedi soir. Au Caliente, au Havre et toute la journée de samedi au Havre aussi d'ailleurs. Il y a Alan qui dit salut Mickaël, ma copine t'écoute pour la première fois, elle veut son message de bienvenue avec plaisir. Eh ben tu vois, on a tracé ton numéro, tu vois Guignol, tu te fais niquer comme un âne. Voilà pour la copine. Il y a Félicia également. Hello tout le monde en direct de ma chaise sur World of Warcraft et bien sûr avec Mickaël, mes chéris. C'est bien Félicia, merci à toi. 69 degrés. Fais la pub de l'émission sur World of Warcraft. Hein. Il y a 69 degrés aussi sur le Twitter. Trop bien la petite bande-annonce dans Mickaël en début d'émission. J'avais jamais écouté. Trop bon, bah merci à toi. Teddy également. Je suis en pleine lecture du Grand Maul mort de rire. Il y a Alan également. Salut. Ah oui, je l'avais déjà lu. Et Jérémy Titi, notre pâtissier d'hier, qui dit j'étais dans les studios, confirme qu'il était mort. Oui, Toff était décédé. Hein. Oui. Et d'ailleurs, c'est son fantôme avec qui on parle maintenant. C'est mon esprit. Très agréable, très sympathique, effectivement. Est-ce qu'il y a un son que tu as envie d'écouter, Joseph, toi, ce soir? Ah, moi, il y en a un que j'adore, mais bon. C'est quoi? Get Lucky. C'est Get Lucky. Ah oui. Ah, c'est Daft Punk. Daft Punk. Ah oui, ouais. Mais alors, toi, tu tapes dans les vieux sons, toi. Hein. C'était l'été, ça, encore. Ouais, mais bon, ça va que je vous sors pas voyage, hein. Oui, bah je te le confirme, effectivement, heureusement que tu le sors pas, ouais. Bah pourquoi pas un petit Get Lucky tout à l'heure, là, ça fait longtemps. On aura aussi Laura pour la colle. Salut Laura. Salut Mickaël. Ça va bien? Oui, et toi? Oui, bah très bien. T'as envie d'écouter un son en particulier, toi, ou pas ce soir? Oui, Indila. Comment? Oui, je veux bien, oui. Mais quoi? Indila, tourner dans le vide. Ben on va rester dans le vide alors, hein, si ça te dérange pas. On va plutôt rester à cet endroit-là, je pense qu'on est pas mal. Non, on est vachement dedans. Mieux là, regarde. Hop, on va s'écouter même la colle et tout. C'est même pas... Ah, c'est Singila que tu veux? Singila. Oui. Ah non, mais ça on peut pas là, notre religion nous l'interdit. Ouais. Non, on peut pas. Non, mais Singila, je suis même pas sûr qu'on ait ça dans la machine. Mais oh, si tu dois en avoir un, mec, tu vas pas aimer. Ça chante comment? Comment? Ça chante comment, Singila? Bah, je sais pas. Bah, c'est non, pour m'aider à chercher là, parce que regarde, pendant que tu chantes, je vais lancer Shazam. Vas-y, essaye, fais-nous un petit truc pour voir. Ça fait le refrain au moins. Tourner dans le vide. Ah ouais, puis ça donne envie là comme ça tout de suite. Hein. j'en ai, hein, j'ai elle a un truc. J'avance en chantant. Alors c'est ça. Hein. J'avance en chantant. Ouais, bon, on va pas aller plus loin, ça ira très bien comme ça. Bon, alors, Laura, on va donc se faire la colle maintenant pour que tu puisses peut-être repartir avec soit la tablette Samsung Galaxy Tab 3, soit avec la console Nintendo 3DS XL. Bon, Laura, vas-y, fais d'accord. Péter la colle. Donc c'est « Je peux être gourmand ou de glace, j'abrite des hommes de loi, qui suis-je ?» Alors, « Je peux être gourmand ou de glace, j'abrite des hommes de loi, qui suis-je ?» C'est bien ça? Oui, c'est bon, ça. Bon, si vous avez la bonne réponse, si vous voulez repartir soit avec la Samsung Galaxy Tab 3, soit avec la Nintendo 3DS XL, eh bien, vous de jouer, vous envoyez simplement MIKL suivi du message, enfin de la réponse plutôt, au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Et vous pouvez aussi, bien sûr, vous inscrire. Je vous mets la colle dans 30 secondes sur le Facebook de l'émission ainsi que le Twitter. Tapez MIKL officiel, vous allez pouvoir lire la colle, voir également les deux cadeaux que je vous offre, donc Samsung Galaxy Tab 3 ou la Nintendo 3DS XL. Tu choisirais quoi, Laura? Comment? Tu choisirais quoi, la Nintendo 3DS XL ou la Samsung Galaxy Tab 3? Le Samsung Galaxy Tab 3, oui. Très bien, oui. C'est la tablette donc. Eh ben on verra, donc vous inscrivez maintenant, avant minuit 30, on tire l'un de vous au sort. On l'appelle en direct sur Fun Radio, s'il décroche et qu'il a la bonne réponse, il gagne et tu perdras à ce moment-là, Laura. S'il ne décroche pas ou qu'il n'a pas la bonne réponse, c'est toi qui gagne. D'accord. Je te souhaite bonne chance. À tout à l'heure. Merci. Attends, on réessaye un coup pour voir. J'avance. Non, bah non, toujours pas. Bon, à tout à l'heure, Laura. À tout à l'heure. Ciao. Retour avec Joseph aussi dans quelques minutes. Tiens, Joseph. Ouais. Joseph, comme on parlait des Oscars là, tout à l'heure, là, on va parler d'une autre cérémonie, l'Eurovision. Tu connais, j'imagine. Ouais. L'Eurovision de la chanson, etc. Et il faut qu'on parle de Twin Twin. Est-ce que tu connais Twin Twin? Non. Non, tu peux dire non, c'est pas grave. Eh bien, c'est eux qui vont représenter la France. La France à l'Eurovision. Et je me demande à un moment si on a vraiment envie de gagner. Je veux ci, je veux ça. Il n'y en a jamais assez pour moi. C'est comme ça. Ah bah là, on est mal barré. Hein. Voilà, donc, venez nous donner votre avis hein, sur ce hit. Est-ce que vous pensez vraiment que la France a une chance de gagner avec ça? Ah, si tu veux, je peux y aller, moi, ouais. Ah, tu peux aller, mais nous, mais n'importe qui peut y aller, hein, pour le coup. Hein. Bah là, ouais, dans ce cas-là, je peux y aller, ouais. Ah ouais, alors que moi, j'avais quelqu'un qui pouvait totalement gagner. Ouais, ouais, ici c'est la fin d'amour. Ce soir, je vais vous faire Delphine. Solo 1, son 1 d'intro. Pourquoi? Parce que moi, je suis une salope, t'as cru quoi? Je t'ai lâché mon 07 sur internet et maintenant, tu m'appelles, tu veux me ken, mais non, y'a pas moyen. Moi, je me suis posée, j'ai arrêté de faire ma chienne. Oui, bon, on écoutera plus en détail, plus en long et en large tout à l'heure. C'est la nouvelle star du web, elle s'appelle Delphine. Alors si vous ne l'avez pas encore sur votre mur Facebook, rassurez-vous, ça ne va pas tarder. Déjà parce que je vais vous la mettre sur le Facebook, vous allez pouvoir la partager comme ça. Et surtout parce que c'est quand même un grand talent. Non, ah bah oui, c'est, voilà. C'est plus qu'un talent. Oh bah ouais, moi, confirme. Je dis, il faut qu'on appelle France Télévisions pour qu'ils chantent ça. Mais Twin évidemment, Twin à côté, c'est... Twin Twin, c'est ringard. Mais oui. On a cela dit d'autres sons hein, qui sont prévus pour l'Eurovision. Là, vous allez voir qu'on n'est pas forcément les plus mal lotis non plus. Bon, Joseph, on va parler de quoi avec toi, dis-moi là. Ah bah, je me disais que vu que Toff est mort, il va peut-être bientôt pouvoir me passer sa mobilette. Avec plaisir. Ah ben bah, oui, je te laisserai faire un tour. Bah après, ça dépend. Ça dépend. Pourquoi tu veux une mobilette? Bah en fait, voilà, faut que je t'explique. Samedi, j'ai donné la première leçon de conduite à ma meilleure amie. Ouais. Et la première leçon de conduite, on va dire que la voiture est à la Corse. Ah oui, à la casse, quoi, elle a fait un carton avec. Hein? Elle a fait un carton. Ouais. C'est bon ça, bah tu nous racontes ça dans quelques minutes, reste là. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et appelez-nous si vous voulez parler avec nous de ce que vous voulez. N'hésitez pas, il y a Benji qui dit oh putain, mais ils veulent pas qu'on gagne en fait. Mais si au contraire. Bon, Chucky, c'est maintenant avec Skydive. Ouais, par rapport à l'Eurovision, il parlait évidemment. Chucky, c'est Skydive, c'est Mickaël, nos limites, on est là jusqu'à 2h. 23h, 2h. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Et on est en direct évidemment jusqu'à 2h du mat comme tous les soirs. Faites passer le message autour de vous, il y a enfin un truc à écouter à la radio, c'est sur Fun Radio que ça se passe comme Loubou, Loubou Team, c'est beau ça, c'est drôle ça. Sur le Twitter qui dit vive l'émission, je suis nouveau mais c'est trop la classe. Cool, merci Loubou Team. L'Eliott également, elle est vraiment honteuse la chanson de l'Eurovision. Putain, mais vraiment aucune honte de présenter ça, je reste sans voix. Ouais, bah elle aura mieux fait de rester elle pour le coup sans voix, hein, ça c'est sûr. Bah comme on en parlait, donc c'est ça qui va représenter la France à l'Eurovision. Hein. Je veux ci, je veux ça, il n'y en a jamais assez pour moi. C'est comme si, c'est voilà, c'est Twin Twin, c'est le groupe. Et la chanson ça s'appelle Moustache. Il n'y en a jamais assez pour moi. Ouais. C'est comme si, c'est comme ça, il y a toujours un truc que j'ai pas. Bon, alors évidemment, rassurez-vous, parce qu'il y a également la Pologne qui va tenter sa chance. La Pologne qui chante Donatan Cléo. Bah je préfère hein. Bon, Bon, après, c'est comme l'anglais, tu vois, tu sais pas ce qu'elle raconte. Ouais, ça se trouve, ouais. elle, tu fais le truc, fais comme ci, fais comme ça en anglais. Je suis sûr que tu dis, waouh, putain, c'est la classe et tout, c'est trop, ça déchire trop. Sinon, il y a la Macédoine également qui propose Tijana Dabchevich. Pas mal non plus, mais en anglais, malheureusement. Voilà, il y avait la Roumanie également. Tiens, Joseph, dis-moi laquelle tu préfères hein, parmi toutes celles qu'on a mises là. Bon, alors, il y a la Roumanie là maintenant avec Polaj Seling Ovi. Un très très bon accent roumain. Mais c'est dommage qu'ils soient pas obligés de chanter dans leur langue. Dans leur langue quoi. Ouais, ils ont le choix quoi. C'est en anglais ou dans leur langue. Bah ouais, c'est nul. Bon, là du coup, la Roumanie, dommage. Il y a l'Islande aussi avec. Moi, je préfère la Roumanie. Hein, ouais, là, pour l'instant, c'est la Roumanie qui est sympa. Il y avait la Pologne qui était sympa aussi. Ouais, mais regarde la France, tu vois, ils s'obligent à chanter en français, mais. Parfois je trouve qu'il serait bien de chanter en anglais. Ouais c'est vrai, il y a l'Islande aussi avec Palaponk. Ils peuvent tenir la main à Twin Twin. Ouais ouais, je pense qu'ils peuvent faire pareil. Mais je pense qu'ils vont se retrouver dans le... Ils vont faire un petit duo en termes de points je pense. Et puis après il y avait la Lettonie aussi avec Arzemniki. Oh putain, on dirait une pub pour les Kellogg's. Ouais. Ouais bon bah en gros t'as préféré lequel toi du coup Joseph? Bah moi vu que je suis de l'Europe de l'Est et ben je vais dire la Roumanie. La Roumanie, d'accord, ok. Bon bah écoute, alors va pour la Roumanie, on verra bien. C'est quand? C'est en mars, non? Fin mars, non? C'est pas en mai? Ou en mai? Je sais plus quand c'est l'Eurovision. Je t'avoue que j'ai plus regardé ça depuis la dernière fois je devais avoir 7 ou 8 ans. Donc c'était pas il y a pas si longtemps que ça, mais bon. Il y a 11 ans précisément. Plus ou moins, voilà, c'est près, exactement ouais. Ça. Ouais. Il y a Maxence qui dit salut toute l'équipe, je suis content de vous retrouver ce soir. Est-ce que je pourrais avoir un petit message de bienvenue? Bah écoute, ma foi, pourquoi pas, je vais t'en caler un immédiatement. Attends, oula. Et toi, t'es enculé, moi. Voilà, pour toi, Maxence, avec plaisir. Et 10 mai, l'Eurovision. Ah, c'est le 10 mai, d'accord. Il y a Valo qui dit, ils sont sérieux, l'Eurovision, là, on gagnera jamais, ça, c'est sûr. N'est-ce pas qui dit, si jamais la France gagne avec cette chanson, ça voudrait dire que les autres pays sont sacrément pétés pour voter pour ça. Il y a Roms aussi sur le Twitter, même si j'ai repris les cours, je vous écoute jusqu'à 2h. Ça, c'est cool, Roms. Bah, bon courage à ceux qui ont repris les cours, et puis, bah, bonnes vacances à ceux qui démarrent, là. Le Messi de la Vanne qui dit, il faut lancer le hashtag TOF à l'Eurovision. On aura peut-être plus de chances de gagner avec TOF. Oui, bah, vous emballez pas trop non plus quand même. Bon, il vaut mieux. Hein. Bon, je viens d'apprendre une info qui m'a déçu. Oh, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que t'es maquillé, Joseph, toi? Oula. Bah oui ou non? Non. On va dire ça comme ça. Non, parce qu'elle elle écoute, alors... Et alors? Ah bah t'auras peut-être... Non, mais si elle écoute, t'aurais eu peut-être plus de chance à dire oui que t'es maquillé, non? Bon, bah Camélia, je t'aime. Oh wow. Eh bien, sache que 36% des femmes, ce qui veut dire qu'il y en a en vrai probablement plus... Et dont peut-être ta meuf, hein, eh bien, pense à quelqu'un d'autre pendant que tu la baisses. Mais oui, mais c'est le cas en plus. Eh ben, ah, en plus, bah alors vas-y, explique. Ouf, non, si elle veut expliquer, elle appelle, mais. Non, bah attends, tu vas nous donner son numéro et puis on va l'appeler. Non, mais tu vas nous donner son numéro et puis on va l'appeler. Eh ben, pourquoi pas. Eh ben, très bien, alors bouge pas. Ça me fera bien ma petite vengeance. Eh ben, parfait, tu nous expliqueras pourquoi. Donc, bon, évidemment, je peux comprendre que les meufs pensent à autre chose quand elles couchent avec Toff. Ouais, mais à Brad Pitt ou mais même moi je pense pas à moi quand je couche avec. Bah il vaut mieux pas, c'est des bandades totales. avec votre mec les filles. Donc venez nous dire si vous avez déjà imaginé faire l'amour à quelqu'un d'autre que celui avec qui vous faisiez l'amour. Appelez-nous 01 42 48 5000 02 851 4x0 depuis la Belgique. Bon bah Toff, tu vas demander à tes amis dans quelques minutes. Bah évidemment. Eh bah très bien. Donc continuez et envoyez déjà dès maintenant les numéros de téléphone de gens qu'on pourrait appeler à cette heure-ci pour que bah Toff puisse appeler. Vous envoyez ça sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. On va également faire le Toff Twitto ce soir. Je rappelle également que on vous offre un sextoy à faire part. Passage du désir.fr. À celui qui sera numéro 1 ce soir, numéro 1 du Toff Twitto, le principe est simple, vous placez un maximum de messages avec le hashtag et Mickaël. Et si vous êtes si vous êtes numéro 1 ce soir, hein, si vous êtes l'auditeur le plus influent sur le Twitter de l'émission, hashtag et Mickaël, donc et bien vous gagnerez le sextoy offert par passagedudésir.fr. Voilà, et je vous rappelle aussi que vous pouvez nous rejoindre sur le Twitter, hein, vous m'ajoutez, je vous suivrai également, tapez le @Mickaël_officiel. Bon, alors, en plus du chéri, je peux te faire cocu, qu'on va faire tout à l'heure avant minuit, Joseph est avec nous, il a donc appris à sa meilleure amie, c'est ça? Ouais, bon, on va dire ça comme ça. Ah, mais c'est ta meuf? Mais pas encore, et je sais pas quand. Ah, d'accord, ok, bah écoute, on va l'appeler, de toute façon. Franchement, ça se fait pas d'essayer de serrer les filles qu'il y a dans ton bahut. Hein. Ouais, c'est clair. Franchement, c'est clair. Ça se fait pas pour un pion. C'est clair. Bon, alors du coup, quoi, donc tu lui as prêté la voiture pour faire les premiers cours et puis t'es à la casse, c'est-à-dire? Bah en fait, je suis allé déjeuner chez des amis, puis et puis je lui ai dit, allez, je vais te donner ta première leçon. Alors je fais la marche arrière, je mets la voiture au point mort, je serre le frein à main. Et là, elle s'est prise une bite. Les bites, c'est les espèces de mini poteaux hein, qui sont qui délimitent les trottoirs parfois. Un caillou qui était juste en dessous de la bagnole que j'avais pas vu. Ah bah oui, mais ça après, si même toi tu l'as pas vu, c'est pas sa faute. Et ouais, enfin, en fait non, pas tout à fait, parce que genre tu vois, t'avais un petit virage devant, t'avais de quoi l'éviter, sauf que bon, le virage était assez sec. Ouais. Et elle, tu sais, le passage de la première, quand tu le fais pour la première fois, c'est ou tu cales ou tu pars comme une grosse tarée. Ouais ouais, c'est soit t'accélères comme un dingue, ouais, exactement, ouais. Et sauf moi bien sûr, moi j'ai réussi sans problème, mais... Elle a accéléré comme un dingue et on s'est retrouvé à cheval sur la pierre. Ah, dommage. Et sur un rondin de bois qui était là. On se demandait ce qu'il foutait là d'ailleurs. Et donc, résultat, elle m'a pété le radiateur, les suspensions hydrauliques parce que c'est une vieille Xantia. Ah oui, bon, elle a son âge la voiture. Hein. C'est ça, il est temps de la remplacer. Mais oui. Ben ouais, mais tu vois, ça me saoule parce que j'ai 21 ans, c'était ma première bagnole. Eh ben t'en aurais une deuxième. T'inquiète, moi la première, on a perdu une roue avec Toff, la première voiture que j'ai eue. Oh là là. Allez, franchement, ouais, moi, l'aventure. Est-ce que par hasard Toff pourrait pas me prêter sa mobilette, quoi? Bah écoute, le scooter éventuellement c'est possible hein, de le prêter. Maintenant il faut assumer quoi, tu vois ce que je veux dire. Non mais parce que c'est pas facile tous les jours, on a beau rigoler, mais bon, le scooter de Toff c'est quand même ça. Voilà, bah, c'est alors, quand même... Alors Toff, voilà ce que je te propose. Ouais. Là, je finis mon contrat, d'ailleurs, à tous les élèves qui m'écoutent, je leur dis officiellement, ça y est. Je vais vous prendre la tête toute l'année, vous allez voir. Non, bah non, je les quitte le 27 mars, ouais. Ils vont être contents, yes, un connard en moins. C'est déjà ça. Et je pars à l'armée. Ça y est, j'ai réussi tous mes examens. Ah, ça y est, en major de promo. Non, à l'armée, dis donc. Mais, quelle horreur. Mais je te rassure, il y a que de la promo que tu seras major. Ah bah ouais. Donc résultat. Garde à vous. Ouais. Allez, garde à vous. Moi j'adore ça. Allez-y, moquez-vous. Mais non, on se moque pas, voyons, pas du tout. Ah, Toff est mort. Toff est décédé, je le rappelle, depuis hier. Il nous a quitté hier. Exactement, quoi. Il s'est fait enculer par une croix. Voilà. Exactement, offert par passagedudésir.fr. Voilà, le barbelé l'a tué. L'a tué, c'est enculé. Ouais. Exactement, un drame, une vraie catastrophe. Rassurez-vous, on le jettera à la poubelle. Hein. Voilà. Il n'y a pas d'enterrement, etc. Il n'y a pas de problème. On va pas polluer le cimetière avec ce bien sûr. Bah, surtout qu'apparemment, maintenant les Maccabées ils mettent 30 ans à se décomposer totalement. Là, il se passe un truc avec la terre. Ouais. Et avant, il fallait pas autant de temps. Et maintenant, ils se sont rendu compte que ils sont dans la merde. Il y a trop de Maccabées qui restent. Je veux pas que cette saloperie puisse renaître un jour. T'imagines, elle est bouffée par les insectes. Les insectes vont crever. Ouais, non, mais ça se fait pas. Autant cramer directement le truc, quoi, tu vois. Oh, on t'aime, Toff. Bah oui, mais bien sûr. Malgré tout. Bon, et donc Joseph, alors que du coup, quel deal? Et ben en fait le deal ce qu'il y a, c'est qu'il fallait que en fait j'avais absolument besoin de ma bagnole pendant les 3 semaines. Ouais. Parce que vu que j'habite à Châteauroux-Bourg, il faut bien une bagnole pour y aller. Bon, il y a le train aussi qui existe, mais bon, c'est accessoire. Ouais, ou le vélo. Voilà. Bon, et après il y a le vélo également. Ou ouais. Le cheval, ou, voilà enfin, aussi, bon, ouais. Ou le dos d'hérisson aussi. C'est vrai. Oh, c'est voilà. Et donc après moi je j'emprunte la moto de comment il s'appelle de Toff pendant 3 semaines. Et puis je lui rends dans 3 semaines. Oui, mais alors le problème c'est qu'il va bien te falloir au moins 3 semaines pour arriver jusqu'à ta destination. Hein. Alors ça c'est un autre problème évidemment. Bah écoute, on peut voir hein, s'il y a des gens qui peuvent t'aider là. De Bourges, tu dois aller où? Ouais, de Châteauroux à Bourges, parce qu'en fait. Ah voilà, de Châteauroux à Bourges. En fait voilà, en fait ce que j'aurais aimé, c'est savoir s'il y a des mécanos qui écoutent. Ah bah oui, c'est vrai qu'on peut éventuellement trouver. C'est de la merde, Taxantia. Il n'y a pas forcément les moyens, mais si quelqu'un peut la réparer, ouais, pourquoi pas. C'est ça en fait le truc, parce que j'ai une paye de... Vu que c'est, je te disais, je suis animateur d'internat, je suis en service civique. Ouais, bon après on s'en fout des détails, hein, je te le cache pas, Joseph, mais... J'ai une paye de francs 6 sous, ouais. Et donc en fait, s'il y a un... Comment il s'appelle? S'il y a un mécano qui peut venir t'aider. Ouais, voilà. Dans l'idée, voilà. Donc si vous êtes mécano et vous êtes dans la région de Châteauroux ou de Bourges alors? Bah, ou l'un ou l'autre, quoi. Bon, ou l'un ou... Non, parce que la voiture, tu vas pas la transporter. Elle est en panne où, la voiture? Ah ben elle est en panne à Limoges, mais bon. Ah, elle est à Limoges maintenant, très bien. Bon, si vous êtes mécano à Limoges et que vous pouvez éventuellement réparer pour pas cher la voiture de Joseph, c'est une Xantia donc, et ben n'hésitez pas, appelez-nous maintenant, 01 42 48 5000, et bah pour la Belgique, c'est rien, on peut se déplacer, ce qui est normal. Reste avec nous, Joseph, reste avec nous. On va parler de tout ça dans quelques minutes. Ne bougez pas de là, il y aura le chéri, je peux te faire cocu qui va arriver dans quelques minutes également. Et puis bien sûr, les premiers appels de Toff. Allons-y. Eh ben, on va faire ça dans quelques instants, justement. Ah bah oui, attends, chaque chose en son temps. Déchirez vos livres et vos cahiers. Pissez dans l'encrier. Coursez vos profs dans les couloirs. Écoutez Mickaël tous les soirs. Oh my god ! Mickaël, No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et on se fait comme promis le son de Shakira et Rihanna maintenant sur Fun Radio, 23h28. Can't remember to forget you sur Fun. Soir sur Fun Radio, prenez le contrôle. Envoyez M-I-K-L suivi de votre message au 64 900 par SMS. Mickaël, No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Évidemment, toujours en direct, 23h31. Il y a Isa qui dit, moi ça m'est arrivé une fois de penser à quelqu'un d'autre. Ça m'a pas emmené à l'extase, mais plutôt à un blocage. Nicolas qui dit, tu as parlé d'une delphine sur YouTube. Oui, Nicolas, honte sur moi. Je vais la mettre maintenant sur le Facebook de l'émission. Eh ben pendant les appels de Toff, tiens, voilà, je vais la mettre, Delphine. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, évidemment, c'est une grande star en devenir. Ah bah oui, oh là voilà. Là, une grande star en devenir. Hein. J'ai juste besoin de votre shit et votre alcool. Pas besoin de votre queue dans ma chatte ou dans ma bouche. Moi, je n'avalerai plus votre sperme. Je n'ai plus besoin. Sur ce, les gars, appelez, c'est pas... Ah oui, là, c'est raté. C'est bloqué. J'allais plus. Ah oui, là, c'est sur ce, appelez-moi, je n'ai répondrai plus. Maintenant, vous allez que avoir un gars. Mais oui, laisse tomber, c'est pas mon macro, lui. C'est mon homme, ne le touche pas. Ou je te nique ta race à coups de poing. Sur ce, je te laisse là. Allez, ciao, ciao, ciao. Est-ce que, à votre avis, est-ce que c'est un accident le 07 sur Internet? Parce que c'est quand même le seul moment où il y a une rime. Non, elle doit vraiment avoir un 07. Ouais, parce qu'un rap, normalement, t'as des rimes, tout ça. Moi, je suis pas le premier sur le rap, hein, pour le coup, mais je veux dire, voilà. Ah non, c'est pas moi. Mais il y en a d'autres. Voilà, mais je veux dire, il y a un moment, ça rentre pas, tu vois, je veux dire. Donc voilà, est-ce que, à votre avis, cette seule rime est un accident ou pas? À l'Eurovision, on a peut-être des chances de gagner avec ça. Ah bah, c'est à voir. Bon, en tout cas, je vais vous mettre la vidéo sur le Facebook, vous allez voir. En plus, j'adore, moi, les gens qui se filment et de travers. C'est-à-dire qu'en fait, ils mettent pas le téléphone, en l'occurrence un iPhone, ils le mettent pas à l'horizontale pour qu'on voit en écran normal en 16/9. Non, ils mettent l'iPhone à la verticale. Résultat, tu vois des grandes bandes noires sur le côté et tu vois l'image en minuscule. Enfin, c'est une horreur. Bon, bah, allez voir. Et puis, je vais vous le mettre là dans une minute là sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mickaëlofficiel. T'as kiffé ou pas, Laura, là, le rap là? Ah oui. C'est de la tuerie, non? Ouais. Ouais. Ça c'est du son d'Insfleur là, c'est pas ces merdes là. La Shakira, je sais pas moi, tout la ça là. Shakira. La Shakira, Daft Punk, je sais pas moi, Jason Derulo là, Martin Garrix, toutes ces merdes. Non, c'est Delphine le son d'Insfleur de demain, vous allez voir, on va être au taquet avec ça. Bah, attends, c'est le nouveau Booba. Hein. Ah bah bien sûr, évidemment, il a qu'à bien se tenir d'ailleurs. Hein. Voilà. Bon, alors Laura, reste avec nous, on va faire les appels avec Toff. Je rappelle donc que 36% des femmes, donc ce qui veut dire encore une fois qu'il y en a, à mon avis, plus, mais qui ne l'avouent pas forcément, pensent à quelqu'un d'autre pendant qu'elles font l'amour à leur mari ou leur copain. Ça t'est déjà arrivé, Laura, ou pas? Non, pas du tout. En vrai? Non, mais en vrai? Non. Entre nous? Non. Non, mais entre nous, vraiment, entre toi et moi, là. Personne, vas-y, fais-moi un clin d'œil. Non, jamais. Ouais, d'accord, on a compris. D'accord. Ok. Y a pas de problème. Okay. Bon, bah très bien. Bon, bah les autres, allez-y, dites-nous 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0, appelez-nous depuis la Belgique. Donc, on va faire le premier appel. Et apparemment, dans le Nord, hein, d'après ce que est indiqué dans le mail. Oui, c'est très bien. C'est des gens du Nord. Parfait. Bon, je rappelle que si vous avez des numéros de téléphone à donner, n'hésitez pas, hein, sur le mail de Toff, toph@funradio.fr, on les appelle avant 2h, et tout au long de la semaine, évidemment. On y va? Allons-y. Allez, c'est parti, on appelle le premier chanceux, et je vous mets la vidéo de Delphine en attendant. Allô? Allô. Oui, allô. Oui. Oui, bonsoir. Je vous appelle parce que je voulais savoir si votre femme, ça lui arrivait de penser à quelqu'un d'autre quand vous lui faites l'amour. Ah non, bah là, en l'occurrence, c'est parti, c'est pas grave. Ouais, on va nous rappeler. Bah hein, oui. Allez, c'est parti, on y va. On rappelle immédiatement. Oui, excusez-moi, monsieur, on a été coupé. Bah, t'es qui, toi? Moi, je m'appelle Toff, monsieur. Ouais, tu vas te faire mettre une bite dans le cul, tu vas dégager de là de suite. Mais pourquoi vous me dites ça, monsieur? Quoi, là? Bah, je veux savoir si votre femme. Elle... Tout, là, je vais venir te voir, je vais te mettre un coup dans la gueule, tu vas voir, toi, fils de pute. À quoi tu t'amuses, là? Bah, je vous pose juste une question, enfin, monsieur. De toute façon, j'avais trouvé, je vais te dégager, je vais venir avec des copains, je vais venir voir ta femme, je vais la défoncer. Non. Mais enfin, attention à ta gueule, toi. Mais enfin, monsieur, calmez-vous. Ouais, qu'est-ce que t'as dit tout à l'heure, il y a même pas 5 minutes, là, tu fous de ma gueule? Non, je veux juste savoir si votre femme... Ta gueule, faites plus ici, enfin, décroche-moi. Bah, allô, monsieur. Oh, ouh, c'est bon. Bah, là, je pense qu'on est pas mal dans le Nord, là. Hein. Ah, on est bien, l'hospitalité du Nord, hein, on l'a bien senti, là. Toujours. Fesse de pute. On y va et on rappelle ce charmant monsieur. Allez. Oui, monsieur, faut pas le prendre comme ça. Moi, je vous appelle gentiment. Je comprends pas pourquoi vous énervez comme ça, monsieur. Hein? Nous pensons que je suis pas. Quand est-ce? Et nous savons parler français, pas. Oui, mais il y a 30 secondes, vous parliez français, monsieur. Nous savons parler, nous pensons que je dis pas. Oui. Hein? T'as toujours un problème, pas. Oui, bah évidemment. Et sinon, alors, pour votre femme? Et tes gosses, je vais venir les égorger. Non. T'as pas des gosses? Je vais niquer ta femme et tes gosses. Fais attention à ta gueule, parce que moi, si je suis où t'habites, tu vas voir ta gueule, toi. Oui, excusez-moi, alors, monsieur, mais... Arrête avec tes manières, excusez-moi, monsieur Nigne. Fais attention, j'ai fait des études, si je suis où t'habites où déjà? Tu vas pas dire où t'habites, bien sûr. Donc, je vais venir te voir avec des copains, et mes cousins, je vais te niquer la gueule, tu vas voir, toi. Oui, mais monsieur, moi, je pense que... Je veux savoir où t'habites, je vais savoir... Mais si vous voulez, moi, je vous le dis, je vous le dis, monsieur. Je vais vous donner mon adresse, du cul. Oh, vous voulez mon adresse, monsieur? C'est quel âge que j'ai plus de 40 ans. Si je suis à vous t'habites, je vais venir te voir, je vais te niquer, toi et ta femme, tous tes gosses. D'accord, mais vous voulez mon adresse, monsieur? Ta gueule, ouais, t'habites où? Alors, je suis... Je vais te voir avec tes copains. Donc, je suis 20... Tu veux une surprise? Je suis 20... Dis la vraie adresse, t'auras une surprise. D'accord, mais vous notez, monsieur? Ouais, vas-y, dis. Alors, 20 rue Bayard, ça s'écrit B-A... Y. Comme mon cul, ouais, vas-y. B-A-Y-A-R-D. Et c'est à Paris, monsieur, dans le 8e. Dans le 8e, t'habites à Paris? Ouais, moi, ouais. J'habite en Bruxelles, moi. D'accord. Bah, vous habitez où vous voulez, monsieur, c'est moi, pas grave. Moi, j'habite 16 avenue des Champs-Élysées, à Bruxelles. D'accord. Bon, déjà, il habite pas à Bruxelles, il habite dans le Nord. Donc, parce que le numéro, ça commence pas par 03 à Bruxelles. Et en plus, la Belge ne dira pas Bruxelles. Ça, c'est la première chose. Bon, on le rappelle quand même. Hein. Bah oui. Mais il avait l'air tellement chaud, là. Oh. Hop, on le rappelle. Qu'est-ce qu'il avait dit encore? En cul, t'as... Non. J'égorge tes enfants. Ouais, fils de pute. Oh, quelle violence. Je veux dire, va y fouder. Caralho. Je vais essayer. Caralho. Quel con, là. Mais pas du tout, madame, pourquoi vous dites ça? Oh, il était bon, le quel con, avec le rire derrière, là. La sadique de ouf, j'adore. Bon, on en appelle d'autres tout à l'heure, si vous avez des numéros. C'est un couple de ouf, quand même. Hein. Le couple, ouais. Entre lui qui est surexcité et l'autre qui a une voix, on dirait une sorcière. Ah ouais, ça, je parle en français, je sais pas. Ouais, c'est bon, ouais. Arrête un peu, tu nous parles en français juste avant. Bon, allez, si vous avez d'autres numéros, n'hésitez pas sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. Benji, qui est mort de rire, apparemment, j'en peux plus, tant mieux. Toff franchi encore une fois pour Eliot sur le Twitter. Et Hugo Rio qui dit, mais je pense à Toff quand je chine grosse merde. Très bien, il sera ravi. Chloé également, vous êtes énorme, je vous kiffe trop. Petit ange, merci Chloé. Et Lisa, elle est prête pour l'Eurovision. Elle peut faire un duo avec une autre rappeuse qui fait des vidéos avec des fruits dedans. Je sais pas de quoi tu parles, mais ça doit être très très très bien quand même. Hein. Bon, donc si vous avez pas vu la vidéo encore, là je vous l'ai mise, la vidéo de Delphine, la nouvelle rappeuse de l'an 2000. Ah c'est oui. Comme on disait avant, l'an 2000, tout était génial. Quand tu mettais 2000 dans un an, c'était génial. Donc la rappeuse de l'an 2000 qui représentera peut-être l'Eurovision. Hein. Bon, alors cette année c'est mort, mais l'année prochaine peut-être. Ah bah, il faut le temps qu'elle sorte un morceau. Bah oui, la France ou la Belgique, elle peut représenter à l'Eurovision. Hein. Voir les deux, hop. Ah. Et là, on sera au top. Exactement. Toute la communauté francophone du monde. Ah bah oui. Ouais, ça peut être bien. Bon, je vous l'ai mis sur le Facebook de l'émission. Donc allez voir facebook.com/MIKLOfficiel. Il y a Sandrine qui dit, il est chiant Joseph, mais on l'aime bien quand même. Quoique, lol. Bon, Joseph. Il est démasqué par ses élèves. Bon, attends, il y a Mathilde qui est avec... Sandrine Tassin, là. Elle, c'est normal, elle me l'a... Non, c'est bon, bref. Ah, tu parles tout seul. Oui, alors lui, il parle tout seul, il démarre un truc et puis après, on comprend pas. J'ai mangé une pomme. Voilà. Non. Ah, ben j'ai mangé une pomme. Bon. Voilà. Bon, c'était très clair, Joseph. Il y a Mathilde qui est avec nous, là, de Virzon. Salut, Mathilde. Oh, merde. Allô. Oui, Mathilde, comment vas-tu ? Bien. Ah, tu connais Joseph, apparemment ? Ah, oui, oui. C'est qui ? T'as quel âge, Mathilde ? 17 ans. T'es sûr ? Attends. Oui, si, je confirme, elle a 17 ans. Elle a 10 ans, parce que 10 ans et demi. T'as une voix super jeune. Ah. C'est vrai, hein ? Ah, mais merci. Je sais pas si c'est vraiment un compliment, mais bon, prends-le comme tel. C'était un compliment que je te faisais, Mathilde. Bon, tu voulais dire quoi par rapport à Joseph, que c'est un con ? Il est chiant, mais on l'aime bien. Oh ! Attends, il y a Julien aussi avec nous, là, dans le doux. Salut, Julien. Oui, bonjour, Mathilde. Comment ça va ? Ouais, ça va. Bon, très bien. Alors, c'est bien parce que pour Sandro, le doux, c'est comme quelque chose qui est doux. Tu vois ? Ouais, il y a du dur et il y a du doux. C'est D-O-U-B-S. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, B-B-E-S à la fin. Ah, c'est mignon, le doux. Mais oui, c'est tout doux. C'est tout doux. Elle est lavée avec Myrlène à la ville. Tous les matins, il l'a. Ouais, que Voltonel, tout doux pour le cul. Voilà. On est tout doux, mais faut nous caresser dans le sens du poil, quoi. Bien sûr. Bah, dans le sens de la bite, c'est mieux, hein, parce que le poil ne fait pas trop réagir, a priori. Mais d'ailleurs, au standard, elle demandait, hein, Sandro. Mais je peux venir parce que ça a l'air sympa chez vous. Mais oui, c'est tout doux, c'est tout sympathique. Oh. Tout mignon. Bon, Julien, tu nous appelais par rapport à Joseph. Est-ce que t'as une solution pour réparer l'Accentia ? Oh oui, j'ai une bonne solution, oui. Là, je te l'appelle. C'est quoi ? Faut la foutre à la casse, cette poubelle. Ouais, non, mais bon, mais il veut la réparer, lui. Il a pas l'oseille pour en acheter une autre. Ouais, mais y a plus rien à faire, là. Non, mais si. Attends, Accentia, ça a quel âge, ce truc-là ? Ça date de quoi ? Ça date de quand, ce truc ? Ah, mon âge, c'est de ma mère qui voulait. Attendez. Elle est de quand, Joseph ? 98. Elle a presque 20 balais, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, Joseph. T'es conscient que tous les enfants que tu surveilles sont plus jeunes que ta voiture. C'est ma mère qui roulait avec ça, quoi. Elle a pas assez de permis là-dessus, quoi. D'accord. Oui, bon, bah écoute, évidemment, vu comme ça. Bon, bah écoute, Julien, merci quand même pour le conseil. On va essayer de trouver un mécano, cela dit au passage, hein. Ouais, autrement, je connais deux ou trois ferrailleurs, hein, si ça peut l'aider. Ouais, pour la ferraille éventuellement. Bah merci Julien, merci Mathilde. A plus, ciao. Salut à vous, merci. J'ai une blague sur Joseph. Vas-y Mathilde. Alors c'est la blague de l'internat. Vas-y. Tu peux parler un peu plus fort s'il te plaît, ouais, un peu plus fort. On a envie de lui, caresser la joue. Tu es censé répondre, c'est ça Mathilde ? Non, mais attends, vas-y d'abord Mathilde. Ouais, tu la connais Joseph, la fête de l'internat, ça te rappelle rien ? Oh, je me doute. Vas-y Mathilde, on veut savoir. Alors je n'ai pas d'amis, alors je raconte ma vie. Je sais plus. Enfin, ça valait bien la peine. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle avec le hashtag MIKL sur Twitter. Mikael, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Bon, et restez là, il y aura le son de Nicki Minaj avec Dust. Ce sera Derm dans quelques instants sur Fun Radio. Et puis Joseph, t'inquiète pas, on lâche pas l'affaire, on va essayer de trouver un mécano, hein, d'accord ? Oh, merci. Bon, je t'en prie, avec plaisir. À tout de suite. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle avec le hashtag MIKL. Sur Twitter. Mikael, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Toutes les nuits, au lieu de compter les moutons pour vous endormir, venez compter les têtes de con. Ah oui, carrément. Vous allez kiffer vivre avec nous. Aha. Mikael. De 23h à 2h sur Fun Radio. Exactement. On est en direct sur Fun Radio. Hop là. On est au taquet. J'ai envie de dire, tout va très bien. Il y a Alexandre qui dit putain, énorme l'appel de Toff, là c'est des psychopathes dans le Nord. Oh non, mais bon. Non, des gens sympas. Il y en a même à Marseille. Eh bah oui, non, mais il y a partout. La capitale des poubelles. Ouais, c'est ça. Il y a Julien qui dit sur l'application Mikael No Limit, salut l'équipe, c'est l'anniversaire de ma soeur, serait-il possible d'avoir la petite musique ? Je te la mets dans quelques minutes, Julien, bouge pas de là. Et Yannick également, bon, ça va, j'ai une sans permis qui date de 95, elle marche toujours. Quand sa voiture est réparée, on fait la course. Bah sans problème, on va essayer de la réparer, trouver un mécano surtout. Et Mystique qui dit l'Accentia est décédé, je demande une minute de silence pour cette pauvre voiture. Ah malheureusement on peut pas, parce que si on met une minute de silence, il y a une musique automatique qui va partir. Donc non, malheureusement on ne peut pas, mais la pensée y est pour la voiture. Retour avec la colle de Laura également, je peux être gourmand ou de glace, j'abrite des hommes de loi, qui suis-je ? Si vous pensez avoir la bonne réponse, envoyez simplement M-I-K-L espace la réponse au 64 900, ou alors directement sur le Facebook, vous pouvez venir nous rejoindre aussi, hein. Vous pouvez même répondre à la colle directement, facebook.com/MIKL officiel. Il y a une photo où j'ai le Samsung Galaxy Tab 3 et la Nintendo 3. 3DS XL. Je vous offre l'une des deux donc ce soir. À vous de jouer si vous voulez gagner l'une ou l'autre. Facebook.com/MIKELOfficiel. On écoutera aussi le son de Dust dans quelques minutes. Voilà, pour ceux qui connaissent pas, donc Dame, c'est avec Nicki Minaj et Dust. Je vous le mets dans moins de 10 minutes sur Fun Radio. On aura le Chéri, je peux te faire cocu qui va débarquer dans quelques instants également. D'ailleurs, si vous voulez vous inscrire pour le Chéri, je peux te faire cocu, n'hésitez pas. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Et si on en profitait pour faire un petit tour du côté du top tweetos. Mais bien sûr. Ben voilà, petit tour du côté du top tweetos. Je vous rappelle donc que celui qui est numéro 1 ce soir, le plus influent dans les dans le Twitter, sur le Twitter de l'émission, tout simplement, avec le hashtag Mickaël. Donc il faut placer un maximum de messages avec le hashtag Mickaël pour être numéro 1. Mais attention, il faut pas en faire trop parce que sinon Twitter vous bloque. Ouais. Donc si vous floudez, vous mettez 150 messages d'un coup, il vous bloque pendant une heure ou deux heures, je crois, donc du coup, vous êtes éliminé. Ouais, j'ai envie de dire, n'est-ce pas, Paul PC 28. Et pourquoi, il s'est fait têche ? Non, mais à mon avis, il doit pas être loin de la limite, là. Ah, d'accord, ok. Bon, alors, numéro 5, si l'émission s'arrêtait là maintenant, numéro 5, qui gagnerait ? Enfin, qui serait numéro 5 ? Le père d'une salope. Très bien. Le numéro 4 ? DJ Roms. Numéro 3 ? Hugo Réo. Numéro 2 ? Drakit. Et donc, Paul PC 28 en numéro 1, a priori. Exactement. Puisque tu as vendu la mèche. Donc si ça s'arrêtait là, eh ben effectivement c'est Paul PC 28 qui gagnerait. Mais il reste encore deux heures, on a encore le temps de voir venir. Il y a Antoine Dreams qui dit: est-ce que vous pourriez passer DBDB Sound? Bah bien sûr. Attends, oui. Voilà, je le mettrai tout à l'heure sans problème. Et Nathan également qui dit: moi je connais un mécano à courser, c'est à 7 km. Eh ben voilà, ça peut être un très bon plan ça, courser. Joseph, pas très loin apparemment. Ah, c'est où? Eh ben, c'est à 7 km, je vais te le dire. C'est à 7 km, Joseph. Donc, on va essayer. Toi. Nathan, appelle le standard maintenant. 01 42 48 5000. On va essayer de te prendre à l'antenne ou en tout cas de te donner le numéro de téléphone de Joseph pour que tu puisses éventuellement réparer. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Joseph? Vous avez le gros bonjour et la grosse dédicace de Camélia, ma chérie. Elle passe à l'antenne. Elle est où, là? Bah, elle est en train de vous écouter, là. Mais alors, on va l'appeler. Non, bah oui. Parce que si vous voulez, je vous passe son numéro. Allez. Eh bah attends, on va prendre le numéro de téléphone de Joseph, de la copine de Camélia, donc ne bouge pas de là. Et en attendant, on va prendre également Solène avec nous là. Salut Solène. Salut. Ça va? Ça va toute l'équipe? Bah écoute, toute l'équipe va plutôt pas mal. Ça va tranquillement. Bon, toi fait décédé, on l'a dit depuis hier. C'est enculé, hein, le pauvre. Exactement. Bah, bah qu'est-ce cher, que tu veux, hein. Ça arrive même au meilleur, même au con, tout le monde. On l'a enterré. Mais non, oui. On l'a brûlé pour pas polluer la terre. Ouais. Et comme on dit, c'est les meilleurs qui partent les premiers. Hein. Oui, mais comme quoi, c'est l'exception qui confirme la règle. Hein, ouais. Bah, ouais. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, dis-moi, Solène? Ben, en fait, j'ai plutôt. Il y a deux garçons qui me kiffent grave. Tu la ramènes un peu là, non? Attends, je vais te faire redescendre là. Voilà. Genre deux garçons qui me kiffent, ouais. Et en fait, il y a un gars que je connais, il est dans mon collège et tout, et il m'aime tellement, et il me suit partout, enfin voilà. Et en fait, il a avoué ses sentiments et je tombais un peu plus bas que terre, on va dire. Plus et bas que terre. Ah oui, il va vraiment être moche, c'est-à-dire que c'est... Ouais. Parce que plus bas que terre, c'est quand tu tombes plus bas que terre, c'est que t'es des tu vois, t'as une putain de mauvaise nouvelle qui t'est tombée sur la gueule, quoi. Ben voilà, et y a un autre en fait qui m'a envoyé ce sentiment. Je le connais depuis longtemps. On s'est connus, en boîte, on s'est connus. Ouais. Et donc. Est-ce que t'as l'âge de rentrer en boîte, toi? Non, où je suis avec, ça, ils ont fait un nouveau truc et tout, donc voilà. En boum. Ah, c'est à 14h, c'est ça? Vous ouais, mangez voilà. Du pain ah, et puis du 4 quarts. C'est la boîte de l'après-midi. C'est du 4 quarts et du champomis. Et à 18h, de 18h à 19h, c'est une after, c'est ça? Ouais, exactement, c'est l'after. Et puis il y a la before aussi à 10h du mat. Oh, ça va, on rigole. Oh, on rigole, on est tous passés par là. De toute façon, vous savez bien qu'on est des enculés, hein. C'est marqué sur notre nom. Non, sur le front, vous c'est marqué. Super cool, vous êtes les meilleurs. Oh, c'est gentil, merci à toi, Sophie Solène. Bon, alors quel est ton problème? T'as deux mecs, c'est cool? Ah oui, c'est ça. Et en fait, le truc, c'est que le problème, c'est que l'autre, il me kiffe tellement qu'il me demande de sortir avec lui. Ouais, donc, normal s'il kiffe, hein, tu me diras. Voilà, et en fait, le problème, c'est qu'en fait, il veut faire un plan à toi. Attends, juste parce que si tu sors en boîte de jour, quel âge tu as en vrai? J'ai 15 ans. Ah ouais, il veut faire un plan. Il a quel âge, lui? Il a 15 ans aussi. Ouais, bah tu vas lui dire qu'il redescende sur Terre et qu'il commence les choses par. Tu vois, il va d'abord monter. À se décaloter le gland. Il va d'abord réussir à monter la station spatiale Star Wars en Lego. Tu vois, correctement, pas à l'envers. Et après, il pourra réfléchir éventuellement à se taper une meuf. L'autre, il veut directement commencer un plat à trois, là. Voilà, il veut faire un plat à trois avec ma meilleure amie. Ah oui, bah carrément, c'est bien le bâtard. Ah oui, lui, c'est bien mis, lui. Hein, ouais. Et ma meilleure amie, elle m'a montré des messages où il veut sortir avec aussi. Et en gros, ben, je sais pas trop parce que, enfin voilà. En fait, t'es tombé sur le fils de Toff, quoi. Va voir ta grosse mère. Elle est en train de se faire niquer dans un champ de bites, espèce de con. Voilà, c'est ça, t'es tombé sur le fils de Toff. Ben, ouais, voilà, on va dire ça si vous voulez. Ah oui. Est-ce qu'il a la même tête? Est-ce qu'il lui manque un menton? Ah non, du tout. Ah non, il a le menton, lui. Non. Bon, d'accord, je pensais, autant pour moi. Bon, écoute, alors restez avec nous. Dites-nous à quel âge vous avez déjà couché pour la première fois et surtout à quel âge est-ce que vous avez déjà fait des trucs un peu plus originaux, comme effectivement les plans à 3, etc. C'est surtout ça qui nous intéresse. Les croix, ça ne compte pas, Toff. Non, les croix, ça ne compte pas. J'ai attendu très longtemps avant de faire des croix. Hein. Tu m'étonnes, heureusement. Il y a Hugo Rayo qui dit mais vas-y, fonce et nique-en un. Il y a Julien qui dit l'autre, elle est au collège, elle veut nous faire croire qu'elle va en boîte. Elle se la raconte pas trop, la meuf. Bah oui, boîte de jour, à 15 ans faut d'abord savoir se décaloter. Et Thibaut qui dit grillé Toff, Delphine c'est ta meuf. Ah oui Delphine, bah oui évidemment c'est vrai. Ouais. T'as vu. Ce soir je vais vous faire solo 1. Bon, enfin pas trop non plus, n'abusons pas des bonnes choses. Vas-y, c'est ma meuf. Non mais justement je la remettrai un peu plus tard. Pour ceux qui veulent déjà écouter et voir, parce qu'il y a également quelque chose à voir, n'hésitez pas à aller sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel, pour que vous puissiez justement voir à quoi ressemble Delphine. Et puis surtout écouter la musique en intégralité. Ah bah grave. Attends, franchement, moi, si je peux la serrer ce soir, je la serre direct. Bah, Delphine, le message est lancé. Hein. Il y a Roms qui dit la boîte de l'après mort de rire. Et Elliot qui dit la boîte de l'après avec du 4 quarts, du champagne mort de rire. Bah ouais, attention. Et on va. D'ailleurs, on va organiser bientôt un party fun tour. Mais que l'après-midi. On prendra JB, parce que comme il a une tête d'enfant, de voilà, il pourra mixer l'après-midi. C'est génial. 14h-16h, JB est en boîte de jour. C'est le party fun teenage tour. Eh ouais, le party fun teenage tour. Ça serait bien, ça. Bon, Solène, reste avec nous, on va demander l'avis de tout le monde, d'accord? Laura? Ok, oui. Bon, toi t'es là pour la colle, ça n'a rien à voir, cela dit, mais t'as couché avec un mec pour la première fois à quel âge? 17 ans. Et t'as déjà pensé à faire des trucs style des plans à plusieurs ou des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire? Non, pas du tout, j'ai pas pensé vraiment. Déjà le missionnaire, déjà pour moi c'est un peu ouf. Hein. Ouais, c'est ça. Non, mais donc non. Voilà, donc t'as jamais pensé à un truc en particulier, parce que 15 ans ça te paraît un peu tôt ou pas? Oui, quand même. Un petit peu, d'accord. Une fois, mon mec, il m'a pris en levrette, mais fouf. Ah oui, c'était dur, hein, ça. Ah oui, enfin, surtout pour lui, t'imagines. Bon, Solène, reste avec nous. Laura, bah, tant que t'es là, on va se faire la colle, hein, tant que t'es là, hein. Profitons-en. Alors, vas-y pour la colle, Laura. Je rappelle qu'il y a donc un Samsung Galaxy Tab 3 à gagner. Et il y a également une Nintendo 3DS XL. Pour ça, il faut répondre correctement à la colle de Laura. Vas-y, Laura. Je peux être gourmand ou de glace, j'abrite des hommes de loi, qui suis-je? Je peux être. Attends, c'est quoi? Je peux être gourmand ou de glace, j'abrite des hommes de loi, qui suis-je? Il y a le père d'une salope sur le Twitter de l'émission qui dit mort de rire, t'es énorme, Mickaël. Mais je te remercie, t'as un super pseudo, le père d'une salope sur le Twitter. On proposait un bonhomme de neige? Non. Non, il y a Hassan aussi sur le Facebook, pour la colle, un réfrigérateur? Non plus. Ah, la Maison Blanche? Non. Un igloo? Non. Pour la colle, on proposait un yaourt. Ah non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Bon, bah si vous avez la bonne réponse, allez-y, à vous de jouer. Samsung Galaxy Tab 3 à gagner ou la Nintendo 3DS XL. Vous choisirez quand vous passerez l'antenne, si vous passez l'antenne. Le principe est simple, donc vous envoyez simplement Mikaël suivi de la réponse au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Et vous pouvez jouer aussi sur le Facebook de l'émission en venant nous rejoindre, hein, facebook.com/mikaelofficiel. Il y a une photo où j'ai la Tab 3 et la Nintendo 3DS XL. Et bah vous répondez tout simplement à la colle de Laura. Je peux être gourmand ou de glace, j'abrite des hommes de loi, qui suis-je? Laura, on donne la réponse avant 20h30 et je te souhaite bonne chance. Si quelqu'un trouve la bonne réponse et qu'il passe à l'antenne, il gagne et tu perds. Si c'est pas le cas, c'est toi qui gagne. D'accord? D'accord. À tout à l'heure, Laura. À tout à l'heure. Bon, Solène, on va te récupérer dans quelques minutes. On aura Marc également, 28 ans de Paris. Salut Marc. Salut Marc. Salut. Ça va? Ouais, j'étais un petit peu perdu, quoi. Bah, c'est pas grave, Marc, sois le bienvenu. Bon, tu vas nous parler de sexe dans un instant par rapport au petit sondage de Toff? Ouais, Ouais, exactement, exactement. En fait, Non, bah attends, attends, tu vas nous raconter ça dans quelques minutes, d'accord? Pas de problème. Voilà, puisque je rappelle que le sondage de Tof, donc 36% des femmes qui ont avoué, évidemment, parce qu'il y a certainement plus qu'ils n'ont pas avoué, avouent justement, bon, penser à un autre mec pendant qu'elles niquent avec leur propre mec ou mari. Ce qui est quand même assez violent. Dont 100% des meufs de Tof. C'est ça. Voilà. C'est vrai. Oui, elles clairement. Avouent avoir pensé soit à Brad Pitt, soit à moi. Parce que... Mais c'est vrai. À Brad Pitt. Il n'est pas normal. Pareil. C'est normal. Bah ouais. Donc, puis, les mecs, ça vous est déjà arrivé de penser à quelqu'un d'autre pendant que vous faisiez l'amour? Eh bien, vous nous appelez 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Et puis, vous le savez, on aime bien voir un peu ce qui se passe à la télé tous les soirs vers minuit. Et là, c'est notre ami Giuseppe. Putain, quel star. On va se faire chier quand il sera plus là, lui. Hein. Ah ouais. Oh putain, on va se faire chier, je pense. Donc, Giuseppe qui a encore eu une bonne réflexion. L'ambiance était assez joviale. Il faut dire que ça fait toujours plaisir de voir des crocodiles. Moi, du parachute, je peux en faire à Paris. Du jet ski, je peux en faire sur la Seine. Mais du crocodile, il n'y a qu'à Miami que je pourrais aller voir. Hein. Ah ouais, bah c'est sûr, évidemment. Quel fond, alors. Ah non, mais vu comme ça, il a raison. Et puis dans l'émission, pour eux tous, Christine Bravo s'est parlé à ses fans, c'est clair. Bah, on est descendu de Montpellier spécialement pour venir vous voir. Ah bah ça, c'est le meilleur des compliments qu'on puisse nous faire. Monté. Merci Patrice. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Il n'est pas descendu de Montpellier. Non, vous êtes monté. On est descendu de Montpellier. Franchement, c'est un truc de plouc, ça. Il n'y a que les gens qui ne sont pas parisiens qui disent « je monte à Paris ». Non, mais en plus, c'est bizarre que vous ayez dit « je suis descendu », quoi. Mais c'est pas un truc de plouc, Christine, c'est un truc de province. Non, mais lui, c'est un plouc, en plus, teubé. Ah ouais. Eh, gentil avec les fans. Oh, hein, le mec, t'imagines, ici, de Montpellier, il est venu pour la voir. Ouais, t'es teubé, mec. Ouais, t'es un plouc. Le D'ailleurs, les auditeurs qui viendront nous voir dorénavant, on dira bande d'enculés. Hein, ouais. Voilà, non, vraiment, bonne c'est idée. Vrai. Et puis, on se rend pas compte, mais porter un nom de star, c'est pas toujours facile. Hein. Obligé de présenter ses papiers en permanence. Pour vérifier que ce soit bien vrai, que ce soit pas une plaisanterie. Guilo est encore moins prise au sérieux quand elle doit prendre un rendez-vous par téléphone. Oui, bonjour, ça serait pour prendre un rendez-vous, s'il vous plaît. Alors, votre nom? Alors, Jennifer Lopez. J'ai raccroché. Ah non, mais t'imagines, c'est vrai. Hein. Non, mais c'est ouf quand même. Bah ouais. T'imagines, j'appelle, oui, bonjour, un rendez-vous pour aller chez le dentiste. Oui, votre nom, Brad Pitt. Oui, c'est ça, ouais. Non, mais le mec s'appelle vraiment comme ça, il est dans la galère. C'est chaud. C'est un truc de ouf. Bon, chérie, je peux te faire cocu dans quelques minutes. Restez bien sur Fun Radio. Je vous l'avais promis, le son de Dust et Nicki Minaj avec Damn. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et on appelle comme promis dans quelques minutes Camélia, donc la meuf de Joseph. Apparemment, il y a du dossier. C'est très très bien. On fait ça juste après sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde. Somehow make it through. Don't nobody who can fake the truth. Toutes les nuits, au lieu de compter les moutons pour vous endormir, venez compter les têtes de con. Ah oui, carrément. Vous allez kiffer vivre avec nous. Mickaël. De 23h à 2h sur Fun Radio. Exactement, je viens de mettre sur le Twitter qu'il y avoir une surprise dans quelques minutes sur Fun Radio. Restez bien là. Et Julien qui voulait l'anniversaire, la chanson d'anniversaire, là, attention, il m'a dit où tu m'as oublié. Mais non, j'ai pas oublié, t'inquiète pas. Alors, enfin, si j'avais oublié, c'est vrai. Allez, on y va pour la musique d'anniversaire, c'est parti, voilà. Voilà, c'est l'anniversaire de sa sœur, bravo. Bah, bon anniversaire à la sœur de Julien, voilà. Voilà. Oh non, on sait ce que c'était les anniversaires, nous. Hein. Ah ouais. Ah bah ouais, attends, on a la classe, on l'a pas. Hein. Voilà. Voilà, jusqu'au bout, c'est très bien comme ça. Lorraine qui dit, il y a ma mère, elle a un patient, il s'appelle Georges Clooney. Mais il a pas le même physique. Ah oui, ça c'est con, ouais. Yvan aussi, le meilleur moment de la journée, c'est 23h, 2h en votre compagnie. Bisous à tout le monde. Merci Yvan, gros bisous à toi. Et Manu qui dit, big up à tous les Rastaman. Et faites péter un peu de reggae, peace les man. Mais qu'est-ce que tu veux écouter, Manu? Il faut nous demander. On a déjà mis un Bob, là, faut passer, là. Delphine, attends, c'est quoi? Thibaut qui dit, faut faire l'émission chez Delphine. C'est clair. Ah bon, on va être bien, là. Ah, et Florian, ouais, et on l'a fait rapper toute l'émission. Ah ouais, bizarre, j'ai 18 ans, j'ai jamais couché, mais ça peut arriver Flo. Et Dimitri, moi 14 ans, petit truc à 3 à 23 ans. Donc première fois que t'as couché c'était à 14 ans et la première fois que t'as pensé à des trucs à plusieurs c'était à 23. Ouais, ça me paraît plus logique hein, parce que là 15 ans c'est quand même tendu un petit peu. Bon, saluons le grand retour de Jean-François. Comment ça va Jean-François? Bien. Ouais, bah dis donc, ça va très bien. On s'inquiétait, on n'avait plus de nouvelles de toi? Ouais, je suis parti une semaine là, hein. Ouais, bah t'es parti une semaine en vacances, c'est bien. Mais du coup, Jean-François, t'as la radio derrière toi? Non, elle est éteinte. Ah, et le kit main libre ou le haut-parleur? C'est un téléphone sans fil. Ah, c'est un téléphone sans fil, d'accord, ok. Bon. Là, il est moderne. Ouais, bah, t'es moderne, évidemment. Sinon, tout va bien ? Hein, sinon, tout va bien ? Ça peut aller dans l'ensemble, on peut pas dire que ça va pas. Bon, ah, bah, d'accord, ok. Tu sais qu'on a eu, tous les soirs, on a eu Cristal qui nous a appelé, hein. Cette grosse salope. C'est pas vrai. Mais oh, si, salope. mais si, justement. Elle me cherchait un bois. Bah écoute, elle cherchait. Elle avec moi. Eh bah exactement, elle voulait te parler et tout. Il y avait Cristal et sa copine là. Je sais plus comment s'appelait la copine. Comment elle s'appelait? Tu veux pas les appeler pour moi? Oui, bah attends, on va lui demander parce qu'on a pas son numéro à Cristal. On va lui demander. Cristal, si tu veux parler à Jean-François là, maintenant qu'il est là, profites-en, appelle-nous maintenant là, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Parce que bon là, Jean-François, t'as toujours pas trouvé de meuf depuis. Bah ça fait 6 mois que je suis séparé avec ma copine. Ah bah ouais, je comprends. Évidemment, c'est difficile. Elle m'a laissé tomber, hein. Ah ouais, c'est pas fait, contre en mort, plus. Mais t'inquiète. Et c'est parce qu'il y a elles sont méchantes, les femmes. Hein. Bah oui, elles sont méchantes, c'est des vilaines qui sont. Ah ouais, toutes des salopes. Hein. Bah ouais, vous avez raison. Pas ça comme ça, mais voilà. Bon, et du coup, Jean-François, qu'est-ce que tu préfères, toi, physiquement? C'est une femme. Ouais. Fessier. Sexy, d'accord, ouais. J'adore le fessier d'une femme. Le fessier. Bien foutu, pas gros, pas trop gros. Bah ouais. Dis donc, tu t'emballes un peu, là, quand même, non? Parce que bon, moi j'aime bien les Porsche, tout ça, mais il y a un moment, faut revenir sur Terre. Hein. Et ouais. Tu feras avec une petite grosse qui a pas de sein, quoi. On est sur Terre, hein? Oui, on est sur Terre, ouais. Ah, je savais pas. Si. En tout cas, Mickaël, je t'assure, vous faites rigoler toute la soirée. Ah bah tant mieux. Ah putain, bonne nouvelle, on a Cristal, Jean-François. C'est pas vrai. Si, on l'a, attends une seconde, attends. Attends, bouge pas, c'est bon, Cristal? Allez, on l'a, très bien. Cristal, bonjour. Allô? Ah, comment ça va, Cristal? Oh, je suis fou. Ah, ben, génial. Oh, je me sens fou, ça me fait plaisir. Bah oui. Jean-François, je t'inquiète. Bon, Jean-François, je te passe Cristal. Allô, Jean-François? Oui? Oh, j'étais très inquiète. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai envie de faire l'amour. Mais moi aussi, j'étais là, j'étais tout chaude. Et j'avais envie de toi. Et tu me répondais pas, je t'appelais, tu décrochais pas. Ah, excuse-moi, Cristal. Ah bah oui, il faut que tu te fasses pardonner maintenant, hein. On fera ça en antenne. Mais oui, en plus, il y avait ma copine Vanessa. Tu te souviens de Vanessa? Oui, Vanessa, je m'en souviens. Oui, elle était là, on a pleuré toutes les deux, on a été obligés de se faire des choses comme t'étais pas là. Elle a pas fait une dépression, moi. Non, t'en avais pas, mais je viens de t'en trouver. Allô, Jean-François. Oui. Jean-François. Oui, Jean-François. Bah, tu nous as manqué. Vanessa. Mais oui, oui, c'est moi. Pas moi, Vanessa, pas oui, moi. Oui, je suis là. Dans ton oreille, dans le creux de ton oreille, Jean-François. C'est une jolie voix. Ah bah, pas encore, chaque chose en son temps. On peut pas se parler hors antenne. Hors antenne de quoi? On est hors antenne. Ah, on est hors antenne. Oui. Bah oui, ils ont mis de la musique. Je sais que Vanessa et Cristal. Eh oui, oui, on est là. Toutes les deux, rien que pour toi. Elle a mis le haut-parleur. Alors, Jean-François, qu'est-ce que tu veux nous faire, JF? Avant, j'avais préparé une cafetière de café. Ah, c'est excitant, une cafetière. Oh oui, tu pourrais me la mettre, la cafetière. Tu veux que je te mets dans le vagin? Ah oui. Entière. Toute la cafetière. Avec le café dedans? Rempli, bien sûr, chaude. Je veux bien. Ah oui. Ah oui. Jean-François, est-ce que tu pourrais... Parce que la dernière fois, t'avais réussi à m'exciter un petit peu. Donner ton prénom plusieurs fois d'affilée. Jean-François. Ah oui. Vas-y. Jean-François. Ah oui. Tu vas avoir un orgasme, hein? Ah oui. Jean-François. Fais-moi jouir. Passe-moi Vanessa un peu. Oui. Je te la passe. Mais on est... Il y a le haut-parleur, on t'entend tout. Oui, on t'entend. Continue à donner ton prénom, ça m'excite énormément. Oui. J'ai entendu caresser la chatte. Jean-François. Oui, continue. Vas-y. Encore. Je pense à la machine. Vous m'excitez, à toutes les deux. Vous m'excitez. Mais oui, mais c'est normal. Plus fort, Jean-François. En plus avec la... Plus fort. En plus avec la cafetière. Ah oui. À toutes les deux, je mets du café dans la vase. Ah oui. Oui, voilà, mets-nous du café. Ah oui, bien chaud, du café bouillant. Oui. C'est excitant pour le vagin. Oui. Faut que tu t'en rites. Et après, tu boiras le café.

si Mickaël et son équipe avaient vécu dans un autre siècle, ils auraient été exécutés. Car ils sont trop dangereux. Mickaël nos limites. En 2014, ils sont en liberté. Mickaël. De 23h à 2h sur Fun Radio. Oh, je sais pas combien de temps on va être en liberté encore, mais pour l'instant on va en profiter. Hein. On va récupérer Jean-François le temps qu'il se repose après Youble sur Fun. Qui frotte. Ouais. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. Envoyez M-I-K-L. Suivi de votre message au 64 900 par SMS. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Oh, minuit 21. Eh, ça va Jean-François? Ça y est, c'est bon, tu t'es remis là? Ah, c'est super. Ah bah génial, écoute, tant mieux. Voilà. Hein. Bah, on a, nous on a rien entendu. On a pris mon pied. Hein. Bah écoute, tant mieux. Parce que nous on a rien entendu à l'antenne, parce qu'on avait mis de la musique, mais apparemment on a eu Crystal et Vanessa au téléphone, et elles ont dit que c'était génial et tout. Ah mais c'est super, elles sont géniales aussi. Hein. Bon bah oui, bah tant mieux. Bon là elles ont dû partir malheureusement, elles avaient piscine. Piscine? Ouais. Elle va à la piscine. Ah, elle va à la piscine. La piscine. Oui, ah bah j'imagine, bah écoute, la prochaine fois on les rappelle. D'accord. Bon, allez, salut Jean-François, bonne nuit, hein. Bonne nuit. Salut, merci d'avoir appelé JF, ciao. Et bon courage. Ouais, bah surtout pour toi. Je vous écoute, là, je vous écoute. Ah bah parfait, merci JF. Salut. Salut, salut Jean-François. Bon, on a bien entendu qu'il nous écoutait, il avait la radio à fond de balle derrière. Oh là là. Il y a Poppy sur l'application Mickaël No Limite, là, vous êtes des malades. Bah nous, on n'a rien fait. Ah non, vous me régalez Jean-François, il est niqué complet. Et c'est Cécilia qui disait, vous êtes des malades. Il y a Jérémy Titi qui est notre pâtissier officiel de l'émission. Je suis mort de rire, vraiment, j'ai trop mal au ventre, juste une radio de malade avec des animateurs au top mais des auditeurs de ouf. Oui, ça c'est vrai aussi. Maxime, bande de fous, vous êtes des tueurs. Il y a Lydie qui dit oh putain, je suis plié. Fabien aussi, vous êtes grave, je suis écroulé, je peux pas lire tous vos messages parce que vous en avez envoyé vraiment beaucoup avec Jean-François Nathanaël également. Mon dieu, Mickaël, c'est dégueulasse, trop bon. J'aime bien le c'est dégueulasse, trop bon. Il y a Sarah aussi, salut, vous m'avez d'aide avec Jean-François, c'est excellent. Simon aussi, Jean-François mort de rire. Ah, je vous avais dit qu'il allait avoir une surprise hein. Tigresse, oh my god, je suis plié en deux. Franchement, merci pour cette émission. Et Paul PC28 qui est plié. El Nicolito qui est à nouveau apparemment sur le Twitter, bienvenue à toi, qui dit des malades Jean-François, horrible Mickaël, vous êtes des tarés. Non mais c'est surtout Crystal hein, qui était chaude comme une baraque à frites. Hein. Oh, ah bah ouais. J'ai adoré lui bouffer les couilles. Complètement, il y a Renaud qui dit il biffle le téléphone, c'est clair. Arrête, on va vomir pour Alexandre. Et il y a Lola aussi, putain enfin je vous réécoute, vous me tuez de trop. Je vous aime trop fort, gros bisous à toute l'équipe, merci Lola et gros bisous à toi. Julien qui dit je lui bourre le cul, tu me bouffes les couilles. Putain, ça faisait 10 ans que j'avais pas rigolé comme ça. Écoute, tant mieux hein. Quand on vous dit qu'ils ont fait un truc à écouter le soir à la radio, faut pas la peine d'aller voir ailleurs et prévenez les potes qui sont en train de crever sur d'autres radios là, à se faire chier comme des rats. Mais c'est ici que ça se passe. Justement, tiens, tous les soirs on est là et en direct sur Fun Radio avec justement pour enchaîner le chéri je peux te faire cocu. On va être un peu à la bourre avec la colle de Laura, mais rassurez-vous, on va le faire hein, si vous voulez d'ailleurs vous inscrire à la colle de Laura pour gagner votre Nintendo 3DS XL ou votre Samsung Galaxy Tab 3. N'hésitez pas, vous pouvez vous inscrire donc dès maintenant sur le Facebook, facebook.com/mikaelofficiel. Le chéri je peux te faire cocu, c'est avec Marie qui est avec nous maintenant. Salut Marie. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Bah écoute, plutôt pas mal Marie, plutôt pas mal. Surtout quand on fait un chéri, je peux te faire cocu, j'adore. Est-ce que ton mec est chaud comme la braise? Oh bah alors là, vous le connaissez pas, je pense. Eh bah justement, pas encore. Il s'appelle comment lui? Nico. Il est quoi? Il fait quoi comme boulot lui? Il est préparateur de commandes. D'accord. Bon, il est où là? Il est chez ses potes, soirée poker. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? Ça a fait 6 ans hier. Ah, ça a fait 6 ans hier, parfait. Et on aurait pu se rencontrer où? Dans mon ancien boulot resto-bar. D'accord, qui se trouve ? À Lunéville. D'accord, ok. Donc je passais dans le coin par hasard pour le travail et puis bah tu m'as filé ton numéro de téléphone et puis bah je t'ai rappelé et hop, on est chez moi. Enfin on est chez moi, on est à l'hôtel. Bah écoute, on va l'appeler. Bah plus tu l'énerves, plus t'as chance d'en repartir avec les cadeaux. Bah je compte sur toi, soit bonne, soit douée, soit au taquet. Y'a pas de soucis là-dessus. Allez, c'est parti. Et donc moi je suis derrière, on est dans mon hôtel. Et puis on va le rendre fou quoi. C'est parti, on l'appelle, let's go. En plus on va le déranger en plein poker. Ça se trouve il perd, il va être vénère. Ou alors il gagne et il va être vénère parce qu'après il va perdre. Allô? Oui, allô Dodo? Il est vénère toi. Oui, ma puce. Oh, oui, ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Après 6 ans, il a encore l'air content. Bah ouais, pour l'instant ça se passe, on vient de commencer le poker, tu vois bien. C'est avec ses potes. Qu'est-ce que je voulais dire, t'as bien vu aujourd'hui que j'étais un peu plus distante que d'habitude. Ce que j'ai oublié de lui dire, c'est de pas tirer la gueule. Ouais, mais ça, je trouvais ça bizarre tout à l'heure. Bah ouais, mais en fait, c'est parce que j'avais un truc à te dire, mais

Bon, et si vous voulez aussi faire un petit chéri, je peux te faire cocu, on met le couvert sans problème. Hein. Vous nous appelez maintenant 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Il y a Thibaut qui dit mort de rire, toujours un régal de vous écouter. Bisous à toute l'équipe et un petit cadeau, ce serait pas de refus. Eh ben non, Thibaut. Il y a Abdou aussi, je suis mort de rire. Il y a mon fils, ma vie sur le Facebook. Je vous aime, restez vrai. Bah oui, t'inquiète pas, on va rester vrai. On l'a toujours été, on le restera. Il y a Jean-Pascal, la vérité qui sort. Oulala, c'est très très fucking ouf, ça c'est clair. Marine, faut avouer, à moitié pardonné, donc j'avoue que je n'écoute pas l'émission ce soir. Je sens le gros coup de pelle. Et oui Marine, tu ne veux pas pouvoir l'entendre, mais je te le mets par principe. Pourquoi il ne marche plus mon coup de pelle? Ah mais il n'y a plus rien qui marche. On a volé le coup de pelle. Ouais. Oh, bah, allez putain, du coup tout démarre là. Ah oui ok d'accord, ok. C'est-à-dire qu'en fait j'ai poussé dessus, mais il a fallu 30 secondes avant que ça démarre. Attends, je réessaye là pour voir. Ah bah du coup j'ai plus de pelle là, si. Ah bah bravo Tof. Ah bah maintenant ça marche, mais c'est bon, machine qui déchire. Nicolas qui dit putain le connard il a trompé, c'est, je suis choqué. Drakit aussi sur le Twitter, le hé de Mickaël est épique. Ah oui le hé hé, oui bien sûr. Il y a Christophe qui dit il est nickel Michou. À la Real Madrid qui dit pété de rire, je vais vous raser les cheveux à tous les deux. Oui, c'est, il était un peu nerveux le monsieur quand même hein. Un petit peu, ouais. Un petit peu, ouais. Et grrr aussi sur le Twitter, je suis un niqué dans ma tête, il est monté en tension. Real Madrid aussi qui avait envoyé le message, je l'ai déjà lu. Christophe qui dit rase les cheveux, mort de rire, c'est une première pour Michel. Et en plus, il a une voix de travesti. Et 69 degrés sur le Twitter, je vais te raser les cheveux, c'est quoi cette insulte? Bah, je sais pas, il a peut-être essayé de me faire peur, je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez. Bon, on va enfin avoir Camélia, la meuf de Joseph, dans quelques minutes. Bah oui. Maximilien et Marc qui voulaient réagir, je suis désolé pour le retard, mais entre Jean-François, le chéri, je peux te faire cocu. On n'a pas pu vous prendre avant là, on va faire encore d'autres appels avec Tof par rapport à cette grande enquête. Donc 36% des femmes qui l'ont avoué, enfin qui ont été honnêtes, avouent donc penser à un autre mec pendant qu'elles font l'amour. Et 100% des meufs de Tof. Oui, c'est normal. Qui avouent donc penser à un autre mec pendant qu'elles font l'amour avec leur propre mec. Et je trouve ça beau. Mais ça c'est magnifique. Vrai, bah oui. Pendant que la nation s'enfonce dans la bêtise, il reste un endroit où vous détendre, vous amuser et respirer. Mickaël nos limites, nous, on vous laisse pas tomber. Mickaël, de 23h à 2h sur Fun Radio. Ah ben clairement, on vous laisse pas tomber. Les minuit 37 sur Fun Radio, c'est Mickaël nos limites. Bienvenue si vous venez de débarquer, si c'est la première fois que vous écoutez, eh ben soyez les bienvenus. On est là de 23h à 2h et tous les dimanches de 20h à minuit avec la réponse à la colle de Laura dans quelques minutes. Et toutes les infos sur le Facebook de l'émission est Mickaël officiel. C'est Daft Punk qu'on écoute sur Fun. Il y a un message de Sean aussi sur le Twitter qui dit Mickaël, je te suce quand? Mais tu es un homme, Sean, donc ce n'est pas possible. C'est gentil de ta proposition, vraiment, ça me touche, mais ça en restera là. En revanche, Polo, t'intéresser. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nos deux qui rira aura une tape. Aïe! Tu te barres tellement avec Mickaël nos limites que tu pourras jamais gagner. Aïe! Mickaël nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Exactement, on est toujours en direct sur Fun Radio. La balancée continue à balancer vos messages autour de vous. Dans votre bahut, au boulot, il y a enfin un truc à écouter le soir à la radio. Et c'est sur Fun Radio de 23h à 2h que ça se passe. Il y a Secret Key sur le Twitter. Moi je pense à personne à part mon chéri. Oui, je demandais à qui vous pensiez pendant que vous faisiez l'amour. El Nicolito qui dit c'est un orgasme de vous écouter, comme celui de Jean-François tout à l'heure. Ah bah il était lourd lui hein. Il y a Grr qui dit bon, en même temps on peut penser à l'autre mec, c'est pas grave tant qu'on se trompe pas de prénom. Oui, c'est toute la gestion à faire hein, dans la tête hein, c'est surtout ça. Anthony, salut, c'est la première fois que je vous écoute et franchement c'est au top, continuez comme ça les gars. Merci Anthony, bienvenue à toi surtout. Jesse également, vous êtes énorme, ça fait 4 mois que je vous écoute et je suis pas mort, vous me tuez tous les soirs. Est-ce que vous pouvez me faire une est-ce que vous pouvez me passer Didi Sound? Oui, ça va arriver là. DJ Fresh avec DB Sound, je vous le passe et je te le passe tout à l'heure Jesse, sans problème, avec plaisir. Anthony également, salut, c'est la première fois que je vous écoute et franchement c'est au top du top. Merci beaucoup Anthony, Mister Pépère, c'est trop bon chaque soir d'écouter Fun Radio, trop mortel, putain, en toi c'était trop bon comme d'hab. Bah merci beaucoup. Et Marine, vis-à-vis de l'émission, chez un auditeur j'ai proposé ma maison mais je n'ai pas eu de réponse. Comment ça Marine, t'as proposé ta maison, j'ai pas eu de réponse Marine? Bah vas-y. Alors envoie ton message, je sais qu'on est passé à côté, autant pour moi. Alors. Eh ben tu envoies un mail, tu m'envoies un mail maintenant, mikl@funradio.fr, puisque je vous rappelle. Donc bah alors déjà le programme pour ceux qui débarquent. Donc ce vendredi on est à Nolimine au Whiz Club pour une soirée. On sera là à partir de minuit à peu près. Toff paye son verre. Ouais, à tout le monde. Mais évidemment, toute la boîte. Open bar dans la boîte. Mais attends, Julien décédé va être payé. Exactement, c'est son fantôme. Il signera le chèque en tant que fantôme. Voilà. Hein, il mettra le fantôme sur le chèque. Le lendemain on sera au Havre. On passera la journée avec vous. Donc bah je sais pas encore ce qu'on a prévu dans le détail, mais en tout cas on aura des trucs prévus. On sera le soir au Caliente vers minuit. Donc là aussi si vous voulez venir, on aura des cadeaux. Au Whiz Club on aura les iPad mini notamment à gagner. Et puis bah, Caliente on viendra aussi avec des cadeaux hein, bien sûr à partir de minuit. Au Caliente donc au Havre. Et puis le week-end prochain, donc pas ce week-end-ci, le week-end d'après, on ira à Orcières faire une petite, un petit week-end de ski. Donc là aussi si vous voulez venir nous voir, n'hésitez pas. On cherche des auditeurs qui pourraient venir sur place donc pour faire un défi. Voilà, on a besoin de vous pour faire un défi sur place. Et puis le dimanche soir, comme on est à Orcières vers Grenoble dans les Alpes du Sud, comme on est à Orcières le week-end, bah du coup le dimanche soir on va venir faire l'émission chez l'un d'entre vous. Donc si vous êtes dans le coin, Grenoble, Lyon, Valence, etc. Je vous avoue que Grenoble c'est mieux parce que c'est quand même moins loin d'Orcières. Oui, c'est plus facile pour nous. Mais après, y a de la meuf grave. Mais après, oui, en plus. Mais après, on n'est pas dans le détail. Hein, on n'est pas dans le détail. Donc si vous êtes dans le coin de Grenoble par exemple et que vous voulez nous accueillir pour faire l'émission chez vous le dimanche soir, n'hésitez pas, inscrivez-vous maintenant, vous m'envoyez un mail mikl@funradio.fr. Et oui, on passera faire l'émission en direct de votre salon comme on l'avait fait chez Olivier à Noyon il y a à peu près un mois maintenant. Et on n'avait rien cassé. Enfin, Toff a cassé deux assiettes, ouais, mais bon, mais un détail. Rien, c'est rien. Voilà. Ça. Et je vous rappelle qu'on a un nouveau délire aussi, c'est un dîner presque parfait. C'est Toff qui avait fait l'entrée, le plat et le dessert. Ouais. Et cette fois-ci, c'est tombé sur Polo. Bah, c'est normal, il faut varier les plaisirs. Voilà, Polo qui va donc devoir faire la cuisine. Petit conseil, prenez quelques médicaments et puis des trucs pour vomir parce que ouais, ça va et va prenez chier, d'autres quoi. Trucs à bouffer aussi. Ouais, ouais, c'est mieux. Ouais, ramenez c'est ça. Votre petite Tupperware. Voilà. Bon, la petite fée qui dit bonsoir mes amours, bonsoir à toi. La petite fée, Maxime aussi, des femmes pensent à des célébrités, paraît-il. C'est vrai, il paraît, mais bon, tu penses à quoi toi, Marc? Marc? Ouais. Ouais, Marc est avec nous donc de Paris, qui a 28 ans, Marc. Et alors, est-ce que toi tu penses à d'autres meufs pendant que tu fais l'amour, ou est-ce que t'es déjà tombé sur une meuf qui a pensé à quelqu'un d'autre que toi? Exactement. Ah, raconte-nous tout avant qu'on appelle d'autres personnes avec Toff. Alors moi je vous raconte ma gonzette. On était en train de baiser quoi. Ouais, normal. Ouais, bah oui. Putain, elle a crié un autre nom la connasse. Ah, ça c'est bon. Mais c'est déjà certainement arrivé à Toff, non? Écoute, non. Jamais? Non, qu'elle crie un autre. Ah, Toff, tu t'es jamais trompé de prénom avec tout ce que tu gères comme dégueulasserie? Non, justement, j'évite de donner leur Toff. Ah, non. Tu leur as pas un petit surnom? Non, c'est rare. Non, franchement. Minou. Non, je préfère pas parler pendant que je baise. Ça m'évite de dire des conneries. Non, mais ouais. En général, quand tu. Il doit se concentrer parce que comme il est peine à jouir. En plus. Ouais, ou plutôt précoce, non? Je suis long. Ouais, il est long, ouais. Mais pas de la bite, hein, juste à jouir. Ouais. Bien sûr. Bah, c'est parce que comme elle est petite, elle frotte pas beaucoup. Bah, c'est ça. Polo va rester dedans là. Ah ouais, là, il va pas sortir. Je reste nulle part, arrête de stimuler des trucs, espèce de porc. Je vais t'envoyer mon téléphone dans ta gueule, tu verras. Sale bon. Décédé va. Et donc, du coup, ça t'est jamais arrivé, donc très bien. Non. Et alors, toi, Marc, donc c'était quoi l'histoire, raconte? Alors, donc je disais, j'étais là-bas avec ma gonzesse quoi. Ouais. On était en train de baiser, de défoncer ça quoi. Ouais, attends, normal. Elle a crié, Bernard. Tu défonçais quoi? J'ai défoncé ma gonzesse. Ouais, et puis. Je l'ai fait l'amour, je la défonce quoi. Ouais. Ouais, non, normal. Ouais, tranquille. Sandro qui est tombé dedans également là. Ouais, tranquille. J'ai défoncé sa voix. Et j'arrive au moment où elle a crié un autre nom. Ouais. Non. Elle a crié Bernard, viens. Alors que toi, tu t'appelles Marc. Ben oui. Ah putain, ouais. Mais c'est qui le Bernard alors? Attends, je sais pas, j'ai mené l'enquête, attends. Et alors j'ai fait ça là, Sherlock Holmes, j'ai monté Sherlock ça, Holmes, quoi, ouais. Et alors maintenant, on sait qui c'est ou pas? Ben oui. C'est qui? J'ai trouvé, c'est son camarade au travail. Non. Ah, c'est le collègue du travail. Oh ben l'enculé. Oui. Oh. Attends, relation risquée, quoi. Non, j'ai trouvé, c'était Bernard, son collègue, quoi, l'assistant. Et qu'est-ce qu'il t'a fait alors? Je l'ai défoncé lui aussi. Ah lui aussi normal. Tu l'as défoncé, mais de la même manière ou pas? Non, attends. Non, je suis allé au travail quoi, j'ai vu ça quoi. Elle a dit Bernard une fois, j'ai dit non, tu vas pas dire Bernard deux fois. Non mais attends, ça se trouve elle pensait à lui parce qu'elle devait faire un travail, ça n'a rien à voir avec le taf, avec le cul. Bah oui. Non, c'est au moment de la jouissance, tu dis pas un autre nom quoi, soit tu dis l'homme que t'aimes ou soit tu dis rien quoi. Le mec, il rigole ouais. pas. Non, mais il a raison. Mais c'est vrai ça que. Ça peut arriver une erreur. Normalement, tu dis rien, quoi. Non, y a pas d'erreur. Attends, si toi aussi ça t'arrive une erreur comme ça, qu'est-ce que tu vas dire, cousin? Bah, ça dépend si c'est ta meuf ou si c'est pas ta meuf. Si c'est juste à cause d'un soir, tu t'en fous. C'est ma femme. Ah oui, si c'est ta femme, alors évidemment, c'est différent. Ouais. C'est, tu peux pas laisser ça comme ça. Mais attends, excuse-moi, Marc. J'ai défoncé, quoi. Direct, j'ai pas cherché, j'ai défoncé. D'accord, ok. Et alors, t'es toujours avec elle? Bah oui. Ah, tu l'as pardonné? Bah oui. Attends, faut t'avouer à moitié pardonné. Hein. Ouais, mais enfin bon, donc c'est qu'à moitié, quoi. Ouais, mais t'as pas trompé. Bah, c'est après elle menait l'enquête, elle m'a dit qu'elle avait fait des tic-tocs, là. J'ai pas trop compris. Elle avait dit au travail, elle avait chicoté, elle avait fait des bisous un peu salés, quoi. Des bisous, ah, des bisous salés, ouais. Ah bah ouais. Elle avait chicoté. Oui, bah si elle avait fait des bisous salés, évidemment, après c'est différent, ouais. Ah, est-ce que c'est pire? Le pire, c'est les sucrés ou les salés? Yeah, le pire, c'est les sucrés, quoi. Ah bah ouais. Ah bah bien sûr. Les barbes à papa, quoi. Ah exactement, les barbes à papa, oui, tout à fait, t'as raison, ouais. Bon, bah Marc, eh ben, heureusement que t'as mené l'enquête, hein. Pour... Eh oui, j'ai monté ça comme Cluedo, quoi. J'étais très bon à ce comme jeu, quoi. Comme Cluedo. J'ai monté l'enquête, j'ai tout trouvé, les indices, les portes, les tout. Mais comment t'as fait pour mener l'enquête? Comment t'as fait pour remonter jusqu'au problème? Jusqu'à Bertrand, c'est ça? Non, Bernard. Bernard, jusqu'à Bernard. Ben j'ai trouvé, quoi. J'ai regardé son téléphone, j'ai vu des conversations, quoi, un peu mitigeuses. J'ai attrapé son téléphone, j'ai mis un code direct. Ah, du coup, il ne peut plus l'utiliser. Parce que c'est pas très pratique, parce que du coup, forcément, tu n'étais pas plus avancé, quoi. Ben si, attends, j'ai mis un code, elle ne pouvait pas avoir accès à son téléphone. J'ai discuté un peu, de façon un peu sucrée, quoi, avec ce Bernard. Ah, et tu discutes sucré, donc elle a fait des trucs sexuels salés, et toi, tu discutes sucré. Direct. Comme ça. Cluedo, attends, j'ai discuté avec lui, j'ai trouvé, en fait, il était parti au niveau des toilettes, là, je sais pas où, secrétariat, deuxième ou troisième étage. Ouais. Attends, j'ai écrit, j'ai demandé, raconte-moi, ça va m'exciter, quoi. Ah oui, mais toi, tu voulais savoir. Ah oui, t'es dit bizarre aussi, Marc. Bah attends, quand tu connais un truc, tu veux savoir jusqu'au bout, quoi. Ouais, c'est vrai. Bon, mais attends, donc t'es pas d'accord. Donc t'es pas d'accord avec mon histoire que j'ai raconté hier, avec ma théorie. Genre si ta meuf te trompe, tant que tu le sais pas, qu'elle ferme sa gueule. Je suis d'accord, mais attends là. Là, dis le nom. Et là, c'est vrai. Il est en train de l'allumer. Ah oh, oui, Bernard, vas-y. Non, Bernard, ouais, au bout d'un moment, tu poses des questions. Ouais, c'est vrai. Mais attends, j'ai su. Mais moi, c'est pas grave parce que attends, y a pas de centimètre souci, quoi. Moi aussi, avant d'éjaculer, je pense à d'autres gonzesses. Ah bon? Mais tu penses à qui? Je ferme les yeux très fort. Je pense à gonzesse. Je serre dans mes bras. J'éjacule, quoi. Je pense pas à ma gonzesse. Et tu penses à qui? Je pense à Brigitte, quoi. À Brigitte? Mais qui? Bardot? Elle se déshabille des fois derrière la fenêtre. Ah ouais, chez toi. Et dis-nous, et nous on vient faire l'émission chez toi s'il y a une meuf qui se déshabille. Mais venez, la maison est très grande. Vous venez les garçons, il y a Brigitte à 19h. Ah c'est la visite à 19h, parfait. À 19h pétante, elle passe à poil. Après la famille en or. C'est après la famille en or qu'elle vient à poil, la meuf. Ah c'est tous les jours comme ça? Tous les jours, j'ai le même rituel. Je prends Vaseline 100%, tac. Ah putain, c'est bon ça. Alors t'es où toi? T'es à Paris en plus, à côté t'es où à Paris? Je suis dans le 16ème, quoi. Oh, bah génial, c'est pas loin de la radio en plus. Ouais, pas loin, derrière la maison de la radio, quoi. Ah, bah parfait. Bah, c'est parfait en plus, c'est génial. En tout cas, il y a Clara Morgane qui habite dans le coin aussi. On va manger là devant la famille en or, après on se retrouve. On fait un cercle, on prend la voisine direct. Attends, moi j'ai pas cherché. Mais elle est bien la voisine, elle est bien la voisine. Elle est top. Génial, eh bah écoute, on vient alors, on arrive. Elle a tout ce qu'il faut, gros beignet bien sucré, quoi. Ah c'est les beignets maintenant bien sucrés, très bien. Les beignets ils sont bien sucrés, bien chocolat, caramel, ça coulisse, quoi. Ça coulisse crème. Ça coulisse, c'est crème fouettée. C'est crème fouettée, toi tu la fouettes aussi de temps en temps, non? Ça fouette. J'imagine, bah merci beaucoup Marc hein. De rien les gars, vous venez à la maison, y'a pas de soucis, quoi. Eh ben génial, on va prendre tes coordonnées Marc, on va t'envoyer un pack aussi, t'inquiète pas, salut Marc. Y'a pas de soucis, je peux faire une dédicace ou? Eh ben alors vas-y, bah ou ici en l'occurrence hein. Ouais, la dédicace. Bah vas-y. Attends, je vais être dédicacé au mari de Brigitte, quoi. Si tu m'entends, gros connard, ta femme, regarde, je l'appelle ça tous les jours. Je prends les lunettes 3D Vision X, attends. Regarde, j'astique, quoi. Là, sa vaseline, c'est bon, ça glisse. Dédicace pour toi, je sais pas comment tu t'appelles. Si tu t'appelles Bernard, c'est peut-être un enculé, quoi. Très bien, donc tous les Bernards sont des enculés. Pas tous, mais la plupart. La plupart, non, mais c'est vrai, t'as raison, t'as raison. Déjà, il n'y a pas de Bernard dans l'équipe, quoi. Ah non, il n'y a pas de Bernard dans l'équipe, si, non. Toff, c'est son deuxième prénom. Ah oui, Bernard, Toff, mais c'est Bernard. Son deuxième prénom. Et ça se trouve, elle pensait à Toff, en fait, hein. Ben voilà. Ah, attends, passe-moi à Toff. Ouais, ouais, je suis là. Hey, attends, mais défonce-le. Il est là, ouais. Attends, Toff, salut Toff. Ça va? Ouais, tranquille, on va pas partir faire un mauvais délire, quoi. Non. Pas de malentendu entre nous. Non, on va rester sucré. Non, on va rester sucré, quoi. Mais attends, dis-moi, est-ce que ma femme, elle est bonne en moi? Ben, je sais pas combien elle mesure. Elle mesure 45 kilos. Ah oui, mais oui, mais en centimètres. 187. Ah oui, donc 1m87. Je crois que c'est 187, elle fait un truc 62 kilos, quoi. D'accord, et son tour de poitrine? C'est du 85D. 85D, ah oui, ah quand ouais. même. Et la taille du deuxième pantalon qu'elle a acheté, enfin que tu lui as offert? C'était du 38. Oh là là. Bonne. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Ouh. Ah oui, effectivement, oui. Non, elle est... Ah non, c'est la fête à la maison, monsieur, quoi. Monsieur est dans le luxe. Bah ouais, 16e, bah oui, attends, mais bien, c'est quoi. Pour ça, j'ai pardonné direct. Attends, j'ai... Bah ouais, je comprends, moi aussi, j'aurais pardonné direct, mec. Bah oui. Tu peux pas tomber sur des chamallows comme ça tout le temps. Quand bah tu oui, c'est sur ça. Un paquet. Ah bah oui, hey, qui est mauvais, mais tu le gardes et t'apprécies, quoi. Non, mais oui. Évidemment, tu tombes sur une meuf comme ça, tu sais, t'es quasiment certain que ça n'arrivera pas deux fois. C'est comme le mec qui joue au loto, il gagne une fois, bah il vaut mieux, il vaut mieux bien investir parce que ça n'arrivera pas deux fois, quoi. Enfin, c'est rare, ça, en l'occurrence. Clair et net, quoi. Je vous dis, les gars, j'ai trouvé la perle. Ah bah ouais, je confirme, ouais. Bon bah, elle ça dit Bernard aussi, t'as trouvé. Ni dans la moule, elle était pas, la, pas dans la moule, pas dans une minute, j'ai trouvé, je la garde, c'est pas grave, Bernard ou pas, c'est pas grave. Bon bah, c'est bien, Marc. Merci beaucoup, en tout cas, salut à toi. Ben, salut les gars. Ciao. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Bon, allez, restez sur Fun Radio. La minuit 54, c'est la nuit sans pub. On fait les appels de Toff comme promis juste après. Il y aura Stéphanie et Solène pour parler sexe dans quelques minutes. Mais avant ça, eh ben, on écoute. Eh ouais, le son de Clean Bandit maintenant sur Fun Radio. C'est Rather Be. Merci d'être là tous les soirs. On est là jusqu'à 2h. Pour bien comprendre, Mickaël nos limites, c'est... Excusez-moi, on a été coupé, madame. C'est moi qui ai coupé, allez au diable. Et c'est aussi... Bah moi je vous emmerde et tu nous fais pas chier, sinon ça va barder. Mickaël nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio comme tous les soirs avec... Titi qui dit, non c'est Tite Doudouce pardon qui dit, mort de rire, il est des barres de rire l'auditeur, trop fort l'accent, ils ont chicoté, il y a Magali sur le Twitter, elle a dit Bernard une fois et le dira pas deux fois, j'ai fait un Cluedo excellent le Marc là, Fun Radio, meilleur radio, merci beaucoup Magali, n'est-ce pas mort de rire le Marc, il est excellent, Julien également, le mec il est chaud, il y a Mister Pepper, putain mais ce gars là il est trop bon, il y a Tristan également, je rigole en écoutant le mec là, il est trop fort, David également, je vais mener l'enquête à la Sherlock, bah bien sûr il avait raison, Florian également aussi sur le Twitter, il est juste énorme le Marc, la petite fée, une semaine sans vous, sans vous écouter, ça m'a manqué, un petit coup de pelle bien mérité, et comment ? Même deux, tiens, dis donc. Esteban également, première fois que je vous écoute, et c'est top, je sais quoi faire de mes vacances. Eh ben Esteban, effectivement, 23h-2h, on est là tous les soirs, le dimanche également de 20h à minuit, et j'espère même après tes vacances, Esteban, hein, maintenant que tu te fais plus chier le soir à écouter oui. des émissions en bois. Il y a Marine qui dit, vis-à-vis de l'émission, chez un auditeur, j'ai proposé... Ah oui, ma maison, Marine, j'ai bien reçu ton mail, t'inquiète, on va te répondre. Benjamin, ça faisait un bail que je vous avais pas écouté, je regrette parce que ça fait longtemps que j'avais pas rigolé comme ça. Bah oui Benjamin, il fallait pas partir Benji là. Et Margot, j'en peux plus, j'ai mal au ventre car je suis en fou rire de 23h à 2h. Vous nous prolongez votre espérance de vie. Bah j'espère bien. Et Benji, pété de rire, vous êtes des oufs. Marie-Kel, il y en a plein des messages, on est encore en top tweet ce soir, au taquet ce soir. Merci beaucoup. Marie-Kel qui dit moi j'aime Toff, le seul et l'unique, le Maccabée. C'est effectivement ça. Et Mylène, bande de ouf, Alex aussi, mort de rire, je suis dead avec vous. Bref, beaucoup de messages ce soir, j'ai vraiment pas le temps de tous les lire. Mais promis, j'essaye. Ah putain, je suis à 3-4 pages de retard là de, en termes de messages là. Donc bon promis, j'essaye de gagner un peu de temps là, dans quelques minutes, là bougez pas. Retour également avec bah, alors, la colle, oh, putain on va la faire aussi là, j'avais complètement zappé. Désolé. T'es toujours là Laura? Oui, toujours. Bon, en même temps, toi, tu t'es plutôt contente. Hein. Au plus on appelle tard, au moins on a de chance de tomber sur quelqu'un qui décroche. Oui, Oui, voilà. Donc dans l'idée, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, Laura, ouais. T'avais posé une colle, donc je peux être gourmand ou de glace, j'abrite des hommes de loi, qui suis-je? Il fallait répondre soit par SMS, soit via le Facebook de l'émission. On va donc appeler maintenant quelqu'un qui a été tiré au sort. Et si la personne qu'on appelle décroche et répond correctement à la question, elle gagne, tu perds. Si c'est l'inverse, c'est toi qui gagne. D'accord? Oui. Allez, on y va. Bonne chance, Laura. On y va. Laura qui nous appelle de Rixheim, dans le Haut-Rhin. Très très bel endroit. Nous étions bien. Mais oui, très très bien. Bonsoir. Allez. Si la personne. Donc là, tu joues tout sur le fait qu'il décroche pas. Hein. Ou qu'il se trompe. Allô? Ouais. Ouais. Oh, bon accueil, bonjour. Comment tu t'appelles? Ah, vous êtes dans un bistrot là. Ouais, tu es Brito, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il veut? Dis donc, bonjour, comment tu t'appelles? Ça va? Bah oui, je sais toujours pas comment tu t'appelles, mais tu vas finir par me le dire, comment tu t'appelles? J'ai oublié. Oh. Ah, ça dormait ça, hein. Ah, ça dormait, non? Ah, tu te souviens pas de ton prénom? Il est oublié. Bon. Non mais sur quelle planète toi? Non mais comment tu t'appelles? Juste ton prénom? Moi c'est Jérémy. Jérémy, eh ben voilà Jérémy, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio. Tu t'es inscrit pour la colle, non? Ouais, désolé, c'est un peu... Endormi, oh c'est pas grave, ça arrive même au meilleur, c'est Laura qui doit être vénère, hein, alors quand tu dormais, t'aurais pu ne pas décrocher. Bon Laura, répète la colle à Jérémy. Avec un peu de bol pour toi, il va peut-être répondre à côté comme il vient de dormir. Oui. Alors, je peux être gourmand ou de glace, j'abrite des hommes de loi, qui suis-je? C'est un palais. Oui. Allez ouais. Eh ben voilà, bravo Jérém. Bon, qu'est-ce que tu veux, la Nintendo 3DS XL ou alors le Samsung Galaxy Tab 3? Non, pour moi, ce sera la tablette. La tablette, eh ben c'est ce que Laura avait choisi également. T'as vu, Laura, il vient de... J'avais la tablette dans tes mains et hop, elle est partie. Ouais, vas-y, pas la rage, la rage. Bon, bah tant pis. Bon, bah Jérém, bah écoute, j'espère que tu vas réussir à rester encore réveillé le temps qu'on prenne tes coordonnées. Ouais, bah t'inquiète pas pour ça. Bon, parfait. Salut Jérém et bonne nuit, hein. Tu te lèves à quelle heure demain? Ouais, 7h, ouais. À 7h, ouais, ça va dans 6h, pépère, vas-y, tranquille. Ça roule. Salut Jérém, bon courage demain, ciao à toi, bye bye. Bon, et Laura, bah désolé, je te fais quand même des gros bisous, hein. Oui, bah moi aussi, je vous fais des gros bisous et c'est pas grave, hein. Bah oui, tu retentes ta chance quand tu veux, hein. Oui. Bah voilà, on fait comme ça une autre fois. Mais oui, c'est ça. Oui. Salut Laura, gros bisous, je t'embrasse. Gros bisous, ciao, bye bye. Ciao, et restez bien bye là, bye. Hein, comme promis. On le demande nombreux et nombreux là sur nombreux et nombreuses, ça veut rien dire. Nombreux et nombreux sur le Twitter notamment là, DJ Fresh avec DB Sound. Voilà, ça va débarquer sur Fun Radio dans quelques minutes. Et on va également d'abord encore faire quelques appels avec Toff. D'accord. Et si on rappelait notre ami là. Ah bah oui, il faut qu'on l'appelle, ouais. Bah ouais, on l'a appelé mercredi, il nous avait pris la tête, enfin il t'avait pris la tête, enfin tu lui avais pris la tête. Ouais, il t'avait dit, ouais bah rappelez-moi demain, vous verrez, je vais appeler les flics. Donc tu l'avais appelé le lendemain, c'est-à-dire jeudi, il n'avait pas appelé les flics. Et jeudi, il avait dit, bah rappelez-moi lundi, bah vous verrez, j'appellerai les flics. Et... Non, il a dit qu'il allait venir, monsieur. Ah oui, oui, c'est vrai. Donc on va le rappeler. Bah allons-y. Eh bah c'est parti, on y va, on l'appelle maintenant sur Fun Radio. On a peu la bourre, hein. Non, bah oui, normalement je vais l'appeler à minuit 30 plus ou moins là, mais bon, c'est pas grave. Allez. Merde, bah tu vas voir, il décroche en plus. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Putain, mais c'est pas vrai. Bah si, on avait dit qu'on se rappelait aujourd'hui monsieur. Non mais là sérieux, ça commence à bien faire là. Bah oui, mais vous m'aviez dit que vous alliez venir ce week-end, je vous ai pas vu, je vous ai attendu tout le week-end. Ouais, enfin bon, là ça commence vraiment à me péter les couilles là. Bah oui, mais c'est un peu de votre faute, monsieur. Vous me faites des promesses à chaque fois, vous tenez jamais rien. J'espère que vous avez pas d'enfants, hein. Et ta soeur, elle en a? Pas encore, mais à mon avis ça va plus tarder. Pauvre type. Mais je vois pas le rapport, monsieur. Ah, il a un pauvre type donc. Oui, c'est un peu sa marque de fabrique. Ouais, hein. Mais d'habitude il termine par pauvre tête. Ouais, c'est vrai. D'habitude il termine. Bon, on va le rappeler quand même. Hein. Allons-y. Donc tu vas être tonton alors? Bah, Ouais, t'emballes pas. Bah, je sais pas, moi, tu dis que ta soeur va voir un moutard. Non, j'ai dit que c'était pour bientôt, j'ai pas dit que c'était. Ah ouais, putain, c'était fait. Oh le bouffon. Oh, ça va être génial, et il va aller promener au parc et tout. Ah, bah, bien sûr, il va le tenir, il va le garder le week-end et tout. C'est génial. Tu nous as trahis, nous les célibataires, bon, aussi. On rappelle. Tiens, c'est pas mon gosse, c'est une ma soeur. C'est pareil. On rappelle. Bah oui, allons-y. Allez, c'est parti. Tonton. Quoi, putain? Oui, non, mais je m'excuse, mais parce que vous avez raccroché un peu vite, j'ai pas eu le temps de vous demander. Parce qu'en fait, c'est pour ça que je vous appelle au final. C'était pour savoir, est-ce que vous pensez que votre femme a déjà pensé à quelqu'un d'autre pendant qu'elle vous faisait l'amour? Bah oui. Ah. Et elle pense... ça va être comme ça pendant combien de temps? Bah, et chaque fois que vous m'invitez. Ça va me péter les couilles vachement là. Bah oui, là, mais. Si vous m'invitiez. Là, ça... Non, mais chaque ça, fois. Ça m'énerve là. Oui, mais chaque fois vous me demandez de vous rappeler, alors moi je vous rappelle, monsieur. Je vais jamais demander ça. Hein. Bah si. Vous qui me dites ouais je vous rappelle et tout. Bah oui parce que la première fois vous m'aviez promis la police, vous m'avez dit oui ils vont venir, vous allez voir, machin. Oui bah c'est bon. Donc là j'ai mis de la crème, maintenant j'ai la police. Donc là j'ai rien eu. Puis après vous me dites ouais mais je vais venir, je vais te fourrer à sec, machin, je vais venir chez toi. Ah j'ai rien eu. Donc en fait voilà, vous êtes un beau parleur, mais il n'y a pas beaucoup d'action, monsieur. Oui mais j'ai pas le temps. Ah bah voilà. Bah dites-moi la vérité alors. Mais ne maman, me dites pas, je vais appeler la police, je vais venir, je vais te défoncer, alors que rien, rien. Bah c'est pour te faire peur. Bah oui, mais ça me fait pas peur, monsieur. Moi, ça m'excite, tout ça. Ouais, t'es un gros guerre. Bah peut-être, mais ça ne change rien au problème. Ouais, bon, à plus, hein. Bah oui, mais alors pour votre femme. Oh merde, il est nouveau parti. Oh, bon, quel relou. Bah ouais, putain, on le rappelle encore un coup, là. Allez, hop. Maintenant qu'il décroche, en tout cas, c'est pratique. On y va. Oui. Je m'excuse, mais vous avez pas répondu à la question, monsieur. Putain, mais... Sérieux là, ça va me péter les couilles. Ouais ça va, parce qu'on est toujours dans le ça va vous péter les couilles, donc c'est que je suis encore en dessous, donc tout va bien. Vous êtes pas encore trop énervé. Ça me pète les couilles. Ah ça vous pète les couilles. Et donc votre femme, elle a déjà pensé à quelqu'un d'autre ou pas? Oui, à toi. Ah c'est vrai, elle pense à moi là? Ouais. Oh c'est cool ça. Bah écoutez, dites, vous lui direz que ça me fait plaisir. Ouais ouais, t'inquiète. Voilà, bon, on se souhaite une bonne soirée, on se rappelle plus. Ouais bah t'as pas intérêt hein. Non mais dites pas ça, vous savez que je vais vous rappeler du coup. Ça m'excite, ça me donne envie de vous rappeler. Espèce de gros gay ambulant, là. Peut-être, monsieur, mais donc on ne se rappelle plus, on se... Voilà, on se quitte, bons amis. Ouais, c'est ça. Hein, on se dit au revoir, adieu. Ouais, mais... Alors là, je te préviens, là, ça va m'énerver, hein. Mais justement, c'est pour ça, on se dit adieu et puis on s'appelle plus. Ouais, mais adieu. Voilà, allez, adieu. Ah, il a pas vraiment dit adieu, hein, mais... Ah, oh, je suis un peu déçu quand même là sur cette finalité là. Il a pas vraiment dit adieu quoi. Ah oui. Non, quel relou. Bah ouais. Enfin bon, qu'est-ce que on le rappellera de temps en temps. Bah écoute, oui, pour prendre des nouvelles, c'est le minimum. C'est quand même la moindre des choses. Bah, le minimum syndical, je te le confirme en effet. Bon, on va reprendre également. Bon, Joseph et Camilia là, on va essayer de l'appeler maintenant là. Dans quelques minutes, Joseph, t'es toujours là? Oui, je suis toujours là. Bon, très bien. Tiens, comme t'es encore debout là, 1h10 là, est-ce que t'as des techniques pour avoir la pêche? Genre des vitamines, des boissons énergétiques, des fruits, etc. Ah c'est pas bien ce que je vais dire. Bah c'est quoi? Bah moi c'est la clope. La clope? Ah, oui. Ah ça te réveille toi la clope? Ah bah ouais carrément. Ah ouais, bon bah venez nous dire vous pendant que Toff va nous tester une nouvelle technique apparemment qu'on a trouvée sur internet. C'est le bulletproof café alors apparemment. Bah je sais pas, donc selon le mec qui a donné l'info sur internet, ça donne la pêche pendant 5 heures. Voilà, c'est ça. Donc il y a une vidéo sur internet, donc bon, j'ai à peu près respecté ce qu'il fallait. Hein. À peu près, hein. À peu près, parce qu'on n'avait pas tous les accessoires pour le faire. Parce que alors, qu'est-ce qu'il faut pour faire le bulletproof café? Alors, normalement, il faut un espèce de filtre à café et faire chauffer dans une bouilloire l'eau pour verser le café. Bon, nous, ouais. On a fait du café à la machine, parce que voilà, on avait que ça. D'accord. Donc voilà. Donc, est-ce que c'est la cafetière de Jean-François? Non, c'est une cafetière, tu sais, c'est juste un bec de filtre, hein. Faut juste mettre un bec de filtre avec de l'eau bouillante que tu fais à la bouilloire. D'accord, ok, donc on a tout le matos, très bien, donc alors on va voir le bulletproof café. Dans un espèce de récipient, tu mets de l'eau chaude pour le maintenir chaud. Ouais. Voilà, donc une fois qu'il est bien chaud, tu enlèves l'eau. D'accord, ok, donc là pour l'instant, on est en train de tout faire en direct. Hein. Voilà, ensuite tu coupes un bout de beurre. Oh. Donc il y a des proportions précises que nous on n'a pas respectées parce qu'on s'en fout. Bien entendu, évidemment. Oh, de l'huile. Ensuite il faut mettre de l'huile végétale. Alors lui il met une huile spéciale qui est forcément qui est forcément l'huile de sa marque, mais bon, nous on a encore un peu, encore un peu. Voilà. Ouais. Bon, nous on a pris ce qu'on a trouvé, on a pris de l'huile 4 graines chez Monoprix. Ah bah très bien, tant qu'à faire, autant faire des économies. Voilà, et ensuite tu mets le café. Voilà, donc on a été chercher la machine à café, hein. Voilà, c'est ça. Donc lui il a un café spécial pareil de sa marque, mais nous on n'a pas tout ça. Bah ouais, non. Parce que le mec il essaye de te vendre sa marque, mais. Eh, le café à l'huile et au beurre, je pense qu'on tient un nouveau truc là quand même, hein. Ah, et donc le mec il te vend ça, et franchement tu le vois sur la vidéo, il te raconte ça comme si c'était le truc du siècle. Mais donc là, café chaud alors évidemment. Bien sûr, oui, non, c'est du café chaud. Hein, oui, attention oui. Pour le checker là. D'accord, oui, attention, on n'en fout pas partout, hein, voilà. Je vais essayer. Donc alors. Ah, ouais, ah bah oui, il n'en fout pas partout, et ça y est, il en fout partout. On lui a dit en plus, on le prévient, il n'en fout pas partout, il en met partout. C'est, voilà. C'est obligatoire. Ah oui, c'est obligatoire, sinon c'était pas drôle. Ouais, vois, c'était, bah... c'était pas moi quoi. Bah oui, bien sûr, c'est Bruno qui sera content de ma. T'inquiète Bruno, je te laisse un peu de café, ça me fait plaisir. Bon, alors. Donc là, il faut le checker jusqu'à ce que le beurre ait bien fondu. Ouais, le café à l'huile et au beurre, Joseph, t'y crois ou pas? Non. Non, d'accord. Eh bien, okay. Tu as tort. Attends, je suis attends, sûr que c'est un produit miracle. T'es en train de t'emballer. Donc, ça veut dire que là maintenant, le café est mélangé, tout le bordel. Il n'y a plus qu'à boire. Attends, parce qu'il faut que le beurre a disparu, quoi. D'accord. Non, mais je veux dire Une fois que le beurre a disparu, c'est fini. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est un café avec de l'huile et du beurre. C'est ça. C'est un café avec de l'huile et du beurre. Et rien qu'avec ça, normalement, c'est bon. Normalement, on est censé. C'est-à-dire que déjà, va falloir le boire. Hein, parce que ça va être ça le plus. Parce que moi, j'ai vu le mec sur la vidéo qui te le vend comme ça. Ouais, c'est le truc du siècle et tout. Le mec, il a bu une gorgée, et pas deux. Hein. Ah ouais, putain. Bah écoute, alors on va essayer. Hein, bon bah voilà. Oh, je pense putain, que. Et en plus, c'est les auditeurs qui sont venus nous voir ce soir, donc ils vont goûter aussi, évidemment. Bien sûr. En plus, on a quatre. Regardez, on a quatre gobelets. Bah, quatre gobelets, voilà, regardez, pour tout le monde là. Hein, on va pas. Voilà, comment s'appelle le garçon? Charles. Eh bah très bien, bah Charles il va goûter, c'est pour avoir un prénom pareil. Donc allez, on y va. Charles, attends, non, d'abord Tov, attends, c'est la moindre des choses, c'est normal. Non, moi je propose que ce soit Charles qui commande. Charles, le bulletproof café. Non, tu veux pas de bulletproof café, d'accord. Bon, moi attends. je veux bien. Allez. Bon. Apollo goûte le bulletproof café. Je veux bien goûter mon premier Tov pour toi. On dirait un latte en fait, ça a pas l'air si dégueu que ça en fait. Ah bon, bah je veux bien goûter si ça goûte le latte. Ouais, hein. Non, j'ai pas dit que ça goûtait le latte, je dis que ça sentait le latte. Ah, parce que sinon moi j'ai. Ça sent le beurre, ta race. Ah, sinon moi j'essaye, hein, c'est pas un problème. Voilà. Oh, c'est pas dégueu. Ah, t'aimes bien? Vas-y, je goûte. Non, sérieux, tu veux c'est un petit pas verre, dégueu. Une petite tasse de café, Joseph? Allez, Charles. Allez, vas-y, je non, Charles, viens ici, viens ici. Attends, Charles va goûter. Arrête de faire l'enfant. Hein. Allez, vas-y. Allez, Charles, santé. Allez, à la vôtre. Hein. À la tienne, surtout. Hein. Cul sec, hein. Non, mais t'étais pas obligé, cul sec, Charles. C'est pour rire. Alors? Bah, en vrai, c'est pas dégueu. Hein. Non, non. Ah, bah voilà. Eh ben très bien. Un petit côté sucré, genre, enfin, c'est sympa. Ah, il y a quand même un côté sucré. Non, mais je suis un grand gourmet, hein, vraiment. Ouais. Ah oui, bah on voit ça, ouais. Un mec qui mange un McDo tous les jours. Ouais, ouais, c'est clair, bon, c'est clair. Tu veux goûter, Mickaël? Non, mais c'est pas bon. Oh, bah tiens. Ouais, goûtons, attends une seconde, attends. Ouais. Je vais quand même essayer. Alors, donc le café, donc c'est comment ça s'appelle encore le Bulletproof Café. Voilà, c'est ça, et c'est censé nous donner la pêche pour la fin de l'émission, là. Bah, ça sent le café, là, donc, hein. Oui, c'est un café. Ouais. Bon bah. Non, ouais, non, mais oui, c'est un café en fait. Ouais, on a quand même l'arrière-goût de beurre qui arrive là. Ouais, hein, t'as l'arrière-goût. Attends, parce que l'auditrice qui est passée nous voir a pas goûté. Attends, on est désolé, mais attends, on va test, hein, tant qu'à faire. Il faut goûter. Non, okay. Mais ça va, ouais, c'est pas dégueu. Bon. Alors? Ouais, bof. Bah ça a le goût de café quoi. D'accord, ok, très bien. Bon, mais donc ça a le goût de café, donc on va voir si Tov va être au taquet. T'as bu la tasse complète? Non, pas encore, je vais la finir là. Ah bah il faut la boire complètement. On va voir si à 6h du mat il sera toujours opérationnel. Ouais. C'est-à-dire que si la vidéo est montée cette nuit, c'est que ça a marché. Hein. Ah, c'est ça. Si vous voyez pas de vidéo cette nuit, c'est que ça n'a pas marché, en effet. Bon, et bah très bien, bah, on vous tient au courant, hein, vous inquiétez pas. C'est quand même un peu dégueu. Ouais, bah enfin c'est le Bulletproof Café, hein, que vous retrouverez peut-être chez Starbucks bientôt, hein, s'ils ont tant d'émissions ce soir, on sait jamais. Ah, il y a Charles qui est en train de décéder là, apparemment, c'est l'effet, c'est le retour force juste derrière qui arrive là, c'est pas mal. Bon, bah Joseph. Ouais. Bon, et bah écoute, apparemment, Bulletproof Café, on vous tiendra au courant si ça fonctionne ou pas. Et Joseph, donc toi, tu nous as appelé en début d'émission. On va donc enfin appeler ta copine pour voir si. Attends, j'aimerais rectifier un truc là, parce que je me suis fait incendier par message là. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui t'arrive? Pas de ça entre nous. Ouais. Elle vient de me dire, il va falloir que tu te mettes dans le crâne que je suis pas ta copine. Voilà. Ah, tu t'es pris une tôle donc. Ah. Ouais. Bon, attends, on va l'appeler en direct alors. Là, si vous y arrivez, chapeau. Hein. Ah, pourquoi elle veut plus décrocher? Ouf, bah allez-y, tentez. Oh bah attends, on va pas partir sur un échec, nous, bah, pas comme ça. En plus, je peux lui présenter Jean-François. qu'on a eu tout à l'heure, hein, pour ceux qui débarquent. Hein. Jean-François. Ah bah oui. Trop tard, j'ai joué. T'es en train de te masturber? Je mets ma main, tiens, ton vagin. Avec Amélia. Laisse-moi jouer. Oh putain. Oh putain, Donald Duck. Oh Donald le canard. Il vaut mieux que ce soit pas ta meuf, hein, parce que là c'est chaud. Quoi. Si, si, c'est répondre. À la fin de votre. Oh putain, j'ai même pas envie. Bon, et eh ben Joseph, malheureusement, t'as attendu pour rien du coup, là, je suis désolé. Hein. Alors, en tout cas, Camélia. C'est une belle salope. Non. Oh, c'est pour rire. Oh là là. Non, mais c'est Jean-François. C'est Jean-François. Voilà. C'est Jean-François. Jean-François. Ah ouais, il a même été plus loin tout à l'heure. Hein. Je peux vous dire qu'on a eu, du très très très très, mais alors très lourd. Bon, heureusement, il y a Fred de Maubeuge qui est là et qui avait apparemment un petit conseil pour toi, puisque à la base, Joseph nous avait appelé parce qu'il a un problème de voiture. Fred qui est là, il cherchait un mécano. Là, Fred, t'es là? Ouais, je suis là. Comment ça va? Ça va. Et vous? Bah ça va bien, t'as la voix de Jean-François. Je suis crevé là. Hey, dis un peu, Jean-François. Jean-François. Ah ouais. Ça ressemble un peu, ouais. Bon, alors, c'est quoi le conseil que t'as filé à Joseph, là, ou en tout cas le coup de main? Bah, c'est quoi son symptôme? La panne. Ah, oui, la panne. Putain, je me dis, ça y est, on est tombé sur un médecin, là. Bah, j'ai mal à la gorge. Bon, je vais l'opérer, là, je vais lui ouvrir la gorge. Non, bah, ses symptômes, c'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, il est passé sur un caillou, enfin, une pierre, je sais pas quoi. Donc, le radiateur est pété, les suspensions hydrauliques, je sais pas quoi, là, qui sont pétées aussi. Qu'est-ce que t'as pété d'autre? J'ai pété les... Ah, tu sais, le truc qui permet de tourner le volant correctement, là, les directions citées. Oh putain, oui. Ah, bah, oui. Elle est morte, t'inquiète. C'est le café qui me remonte, ça. Camélia a pété, quoi. Ma ferraille. Ouais, la ferraille, le pare-choc avant. Non, il disait que, en fait, vu les dégâts qu'il y a, il faut l'envoyer à la ferraille, la voiture. Ouais. Ah, et là, si c'est... Toi, t'es mécano, toi, du coup, j'imagine, Fred? Ouais, je suis mécano. Ah ouais, bon bah donc la ferraille, y a plus rien à faire sur la voiture. Bah non, c'est trop cher. Ah ouais, bon. On peut pas y mettre une rustine, un truc comme ça. Ouais. Il y a 1 500 € de réparation. Et l'arbre à cam en tête va bien ou pas? Fred, puisque toi t'es mécano, est-ce que tu peux expliquer à Polo ce qu'est un arbre à cam en tête? Il n'arrête pas de répéter ça, il ne sait pas ce que c'est. Mais si, je sais ce que c'est. Un V8 en 16. Avec arbre à cam en tête. Bon Fred, c'est quoi un arbre à cam en tête? Dis-lui, explique-lui, je t'en supplie. L'arbre à cam en tête, c'est dirigé par donc tout ce qui est pignonnerie. Donc l'arbre à cam, bah, il est en haut. Ah bah voilà. C'est la culasse. Eh bah c'est beaucoup plus clair. Voilà. Ah oui, mais l'arbre à cam en tête. T'as dit culasse, il y a Toff qui arrive, il a entendu cul. Donc du coup, lui, forcément, la culasse. C'est moi je suis tout excité. Hein. Ah bah ouais, bah, bien sûr, évidemment, il est au taquet. Ah, je frétille. Bon, Joseph, malheureusement, bah désolé pour toi, on peut pas faire grand chose là. Bon. Bah désolé, on peut organiser une cérémonie. Bon, si quelqu'un éventuellement a une voiture à vendre pour pas cher, bah éventuellement ça pourrait peut-être aider Joseph, hein, pour le coup. Ouais, bah oui, au pire. Ouais. Bah au pire, ouais, bah ouais, c'est ça. Une voiture pas chère sur Bourges, hein, on sait jamais. Bah vous nous appelez 01 42 48 5000 et puis on te tiendra au courant, Joseph. Merci beaucoup. Ça marche. Salut Joseph. Salut Fred. Merci beaucoup d'être passé également. Hein. Merci. Salut. Et tu reviens quand tu veux, Fred. À bientôt. Restez sur Fun Radio, puisqu'il y a DJ Fresh qui arrive sur Fun. We're sorry, the number you have dialed. Fun Radio. Nickel, nos limites. C'est tous les soirs, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Allez, on l'avait demandé. Il est là, le son de DJ Fresh maintenant. DBDB Sound sur Fun. Il est 1h19 et on est en direct jusqu'à 2h. Bien comprendre, Mickaël nos limites, c'est... Excusez-moi, on a été coupé, madame. C'est moi qui ai coupé, allez au diable. Et c'est aussi... Bah moi je vous emmerde et tu nous fais pas chier, sinon ça va barder. Mickaël nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Toujours en direct, il est 1h22 sur Fun Radio. Bienvenue si vous arrivez là, Mickaël nos limites. On est toujours là ensemble et en direct jusqu'à 2h du matin. Car oui, vous avez enfin trouvé quelque chose de bien à écouter le soir à la radio. Vous ne vous faites plus chier à écouter des émissions pipotées et vous faites bien de venir ici. 23h, 2h sur Fun toute la semaine. semaine et 20h minuit tous les dimanches soirs. On est en direct sur Fun. Et donc on cherchait toujours si vous aviez des techniques pour être au taquet, être en forme. Parce qu'on a essayé le Bulletproof Café, donc une mixture que Toff a trouvé sur internet. Et bon, ça goûtait le café, c'est vrai. Oui. Malgré que ce soit mélangé avec de l'huile et du beurre. Hein. Mais en fait, ça te reste quand même sur le bide. Hein. Ça te reste un peu sur le bide. Mais t'as bu la tasse complète. Ouais, moi j'ai bu une tasse complète. Ah ouais, moi j'ai juste goûté, j'ai trempé les lèvres. Bon, ça goûtait le café, évidemment. Donc on verra. Normalement, ça donne la patate pendant 5 heures. Un peu comme le Guronzan, quoi. Ouais, enfin moi j'y crois pas du tout. Par contre, ça te donne, ça va juste me donner envie de gerber. Et c'est ça qui va me regarder éveillé. Hein, mais peut-être. Pas du tout me donner la pêche. Peut-être. Bah moi, par exemple, le Guronzan, j'ai déjà essayé. Alors Red Bull marche pas du tout chez moi, ni le café. Alors là, je peux prendre un café, moi un Red Bull, je vais dormir après, ça me pose aucun problème. Guronzan, j'avais essayé, j'avais une patate pendant 10 minutes. Et puis. Pff, fini, terminé, c'est-à-dire que ça a fait vraiment l'espèce de pic, et puis rien du tout, donc voilà, bon après je suis peut-être pas, je sais pas, ça marche pas, c'est comme les trucs pour dormir, c'est quand tu prends un truc anti-allergique, style Zyrtec, t'as le pharmacien qui dit, ah, faites attention parce que ça peut faire des somnolences, oh bon. Rien, ouais, mais parce que t'en as pas pris sur la longueur. Moi j'étais en train de dire. Si, Zyrtec, j'en ai pris pendant longtemps, ça marche même plus aujourd'hui. Mais les trucs anti-allergie, j'en ai pris une fois, j'étais en vacances, je tairai le nom. J'étais en vacances, j'ai fait une allergie. Tu me racontes ta vie. Et je pionçais, je t'assure, j'étais avec des potes comme ça, et il y en a un qui racontait sa live, qui racontait. Comme là, j'ai l'impression de vivre la même chose. Et je dormais, je me réveillais, le mec parlait, paf, je me rendormais, et ça m'est arrivé 3-4 fois. Et là, il s'est passé quoi? Ouais, ici c'est la fin d'amour. Ce soir, je vais faire solo 1, son 1. Le rap de Delphine qu'on vous a fait découvrir tout à l'heure. Moi, je suis une salope, t'as cru quoi? Je t'ai lâché mon 07 sur internet et maintenant tu m'appelles, tu veux me ken, mais non, y'a pas. Allez, je vous le mets, c'est pour moi, c'est gratuit. J'ai arrêté de faire ma chaîne. Maintenant, je suis devenue une petite Hélène, même si des fois tu veux toujours me faire tourner. T'as pas besoin de m'appeler, moi je tournerai plus dans vos caves. J'ai juste besoin de votre shit et votre alcool. Pas besoin de votre queue dans ma chatte ou dans ma bouche. Moi je n'avalerai plus votre sperme. Je n'ai plus besoin. Sur ce les gars, appelez, c'est et pas un. Écoutez. Ah non, elle a raté. Elle a déjà dit 07. Ouais, je l'ai raté. C'est au tout début le 07. Ah oui, c'est vrai. C'est le moment où ça arrive. Maintenant vous allez que avoir un gars. Mais oui, laisse tomber. C'est pas mon macro lui. C'est mon homme. Ne le touche pas. Où je te nique ta race à coups de poing. Sur ce, je te laisse là. Allez, ciao, ciao, ciao. Eh oui, oh. Sur russe, hein. Ouais, sur russe. Sur russe, je te laisse là. Allez à tous, ciao ciao ciao. Ah oui, c'est pas mal hein. Non, c'est bon, il y a du flow. Bah, j'ai réécouté, ça fait 2-3 fois maintenant que je l'écoute. 07 sur internet, c'est le seul moment qui rime dans cette putain de chanson. Enfin, sur ma putain de chanson. Bon, mais, vous pouvez d'ailleurs voir le clip parce qu'il y a un clip exceptionnel sur le Facebook de l'émission facebook.com/mikaelofficiel. Benji Spears qui dit également moi c'est pareil, café Red Bull, Dark Dog, aucun effet. Chris également sur le Twitter avec ses cris, mes parents ont entendu et se sont demandé ce que c'était. Ah oui, c'est tout à l'heure avec JF avec notre ami Jean François. Ouais. Steve également qui me disait là les masos, j'en pleure de rire tout à l'heure, vous êtes des malades pour Fela. Et Mika qui dit mort de rire, vous êtes des ouf, Fun manque de caféine, plutôt de bibine même carrément. Et Real Madrid aussi, ralala, vous êtes des fous. Et le père d'une salope qui dit oh putain, vous abusez les gars, vous êtes extraordinaires. Et Julien depuis l'application qui voulait souhaiter bon anniversaire à sa sœur. Merci Mika, t'es juste énorme, ma sœur te trouve beau gosse et elle te fait un gros bisou. Et ben je l'embrasse également Julien. Et le père d'une salope, mort de rire, c'était énorme. Bon, continuez avec vos messages en direct avec le hashtag Mikael sur le Twitter de l'émission, sur le Facebook également. Venez nous rejoindre, tapez Mikael officiel et on est, je ne sais pas combien on est en fait dans l'absolu. On est que par 350 et des brouettes, donc on est quelque part par là. Et donc continuez à ramener vos potes hein, en 7 mois seulement, c'est quand même pas mal. Et donc voilà, bah, continuez à ramener vos potes, n'hésitez pas. On va continuer à parler sexe avec Stéphanie et Maximilien. Sexe bien sûr, dans le sens où on est tombé sur cette magnifique enquête qui dit que 36% des femmes qui ont été honnêtes, donc on sait qu'il y en a plus, évidemment. À vous donc, ont déjà pensé à un autre mec pendant qu'elles faisaient l'amour avec leur propre mec ou mari. Ouais, ce qui est scandaleux. Mais évidemment, donc on appelle des gens depuis tout à l'heure afin de leur poser des questions. On n'a pas vraiment eu de réponse bien précise. Hein. Non, c'est vrai. Étonnamment d'ailleurs. Même très, très, très, très déçu. En attendant, Solène, le retour. Bon, Solène. Salut. Bon, bah, tu peux même dire salut, c'est vrai qu'on t'a eu en début d'émission, mais avec tout ce qui s'est passé, là, on n'a pas eu le temps. Je vais pas te cacher, hein, je t'ai oublié, Solène. Non, ça arrive, et je mérite d'ailleurs un coup. Voilà, tu vois, je peux me le faire également, il n'y a pas de raison que ça arrive qu'aux autres. Solène qui nous avait appelé, car maintenant je me souviens évidemment, Solène qui nous avait appelé parce que, bon, t'as 15 ans, tu sors en discothèque de jour. Voilà, c'est là 4 quarts à volonté. 4 quarts à volonté, Mentalo, open bar, on en a rien à foutre. Exactement. Et ciboulettes, on roule la ciboulette. Ouais. Et dans les boîtes de jour, ils passent ça. Non. Ah bon? Ah, il passe pas Martin Garrix le nouveau? Il baisse Martin Garrix. Bah c'est ça Martin Garrix. Ouais. Ah bah ouais, je vous le mets tout à l'heure, vous allez voir, vous allez pas être déçu du déplacement. Hein. Alors on est bon là. Ah ouais. Ah, il, aussi, ah, il passe aussi Daft Punk ou pas? Ça non, il passe pas. Mais ah, merde. Il passe quoi? Ils mettent des musiques Rihanna. Ah, je croyais que t'allais dire ringarde. Je me dis, bah pourquoi ils mettent des trucs ringards? Je comprends pas. Non, mais je sais pas. Plein d'autres musiques et tout. Et c'est super cool après. Ah, super cool après. Ouais, voilà, après il y a des musiques qui sont sympas. Ils mettent ça aussi ou pas? Ils mettent des musiques un peu relou, mais après ça va, on bouge bien, on est... Ouais. Pour faire plaisir aux darons, ils mettent pas ça? Non. Je suis que t'as jamais entendu. Hey, y'a des videurs dans les boîtes de jour ou pas? Allô? Ouais, on t'entend, ouais, non, je voulais savoir s'ils mettaient ça pour les parents. Qui vous attend dehors? Solène, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu entends la musique que je te mets ou pas? Oui, oui, j'entends. Ah, donc je voulais savoir s'ils mettaient ça pour les parents. Enfin, depuis la vanne est passée, c'est pas grave. Bon, du coup, Solène, donc toi tu nous disais que donc t'as rencontré ton mec dans cette boîte de jour, justement. Ouais. Et que, qu'est-ce qui s'est passé? Il a essayé de te fourrer dans les chiottes. Non, c'est pas ça du tout. Donc, non. T'es tombé sur un deuxième mec. Il y a eu l'histoire de deux mecs, ça je m'en souviens. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis j'ai oublié. Et il y en a un, il veut faire un plan à 3. Ah oui, il veut faire copine. Un plan à 3, ouais, l'enfoiré. Il veut faire un plan à 3 alors qu'il a 15 balais, le mec. Il a deux poils à la bite, ça y est, il croit que c'est la fête. Il croit que c'est jour de fête. Ça, exactement. Ouais, ouais. Bon, et toi, t'es ouverte ou pas? Est-ce que t'as déjà couché avec un mec au moins une fois? Sois honnête, on s'en fout. Hein, je l'ai déjà fait, oui, avec mon ex, oui. Ouais, mais c'est des bisous, en fait. Ça compte pas les bisous. Hein. Ouais, mais non, mais est-ce qu'il y a eu une vraie relation sexuelle ou pas? Non, pas trop, c'est plutôt genre câlin, bisous, après d'accord. Il était pas trop ouvert, mais... Yeah. Non, mais alors, voilà. Fais pas un truc à deux, fais pas un truc à trois, pardon, laisse tomber, attends, t'es ouf, et tu l'envoies la merde, et s'il a un problème, tu lui dis qu'on l'appelle. On le démonte. Exactement, ouais, tu vas voir, aucun problème. Non, mais c'est vrai, faut pas faire un truc à trois alors que t'as même pas encore essayé un truc à deux. Non, vous pouvez vous faire un bisou à trois, hein. Vous mélangez trois langues et ça suffit. Ouais, c'est comme si le mec il veut faire de la moto alors que c'est pas faire de vélo, il vient pas sur deux roues. Espèce de con. Non mais ça a pas de sens quoi. Attends d'avoir 20 ans. Non mais pas spécialement, il y a pas vraiment d'âge, mais il faut au moins avoir testé le premier pour faire le second quoi, c'est logique. Bah ouais, c'est logique. Bah voilà, c'est ça. T'sais, à la limite, ce que tu peux faire, ce qui est le mieux, c'est qu'avant de démarrer quoi que ce soit, il faut au moins que t'aies dansé là-dessus. C'est la boum. C'est la boum. Ah ouais, c'est vrai. Voilà. Et là, avec vos deux appareils dentaires, vous vous embrassez et c'est beau. Et là, les élastiques se coincent. Non, exactement. Non, et vous pouvez plus vous retirer. Non, mais lui, il a pas l'appareil dentaire. Non. Et dis-moi, et ta trousse, elle est comment? Est-ce que t'as une gomme rose dans la trousse? Non, du tout. T'as quoi dans la trousse, dis-moi? J'ai. On est dans la boum là. Eh, hey, dis-moi, tu veux pas une menthe à l'eau? C'est pour moi. Non. Ah, ça rappelle. Il a pécho Toff là-dessus ou pas? Non, jamais. Comment? Ah non, je demandais à Toff s'il avait réussi à pécho sur la musique de la boum. Avant qu'il décède. Alors, la boum, c'est un film avec Sophie Marceau dans les années 80 où elle était toute petite. Hein. Donc, je dis ça pour ceux qui connaissent pas parce qu'il peut y en avoir hein, dans les années 80, il y en avait beaucoup qui étaient pas nés. Je me suis branlé en regardant ce film. Oh! Ouais, je suis désolé, je vous ai. Oh, Sophie Marceau, si tu nous écoutes. Mais je me branle toujours en regardant Sophie Marceau. Hein. Mais par contre, c'est vrai qu'elle est quand même encore bien pour son âge. Ah, ouais. Quand elle était dans James Bond, là, elle était juste. Ah, là, tu t'as stické deux, trois fois, là. Ça, il y a ça, l'étudiante aussi. Ouais. Avec Vincent Lindon, ouais. Il se fait défoncer dans l'ascenseur. Ouais. Trop tard, j'ai joué. Oui, bah, c'est bon, Jean-François. Et l'autre, il est en train de nous faire tout un historique de tous les endroits où il s'est branlé. T'es un porc, c'est clair. Ouais. Non, c'est pas les endroits où je me suis branlé, c'est les scènes sur lesquelles je me suis branlé. De quoi? Non, je dis, c'est pas les endroits où je me suis branlé, c'est les scènes sur lesquelles je me suis branlé. Oui, sur les scènes, exactement. Bon, Solène, moi, je me suis branlé une fois sur les Simpsons. Y a... Non, c'est bien. Sur qui? Sur Homer? Non, bah sur Marge. Ah, sur Marge. Sur Marge, bah, évidemment. La coupe. Ah, bah, c'est surtout la coupe de cheveux, tu m'étonnes. Bon, Stolène. Bon, oui. Mais en tout cas, j'espère que t'as bien pris note de toutes les choses, là. Donc, ne le fais pas. Ça va. Et si jamais il a un problème, tu lui dis qu'il m'appelle, moi, je vais lui expliquer. D'accord? Bah, ouais, ça va, t'inquiète pas. Bon, ça roule. Salut à toi, gros bisous. Salut, je peux faire une dédicace? Allez, vas-y. À une seule personne, choisis la bonne. Je fais une dédicace à tous ceux qui reconnaîtront Sedex, Marseille, tout ça, et surtout un gros bisou à mon Steven que j'aime tant. Et, Solène. Et cette flic. Solène. Oui. Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans une personne? C'est très compliqué. Ben, tu sais. Je fais ah bah du coup on enchaîne. Bah du coup je me refais ouais, bah, du coup je recommence. Comme ça j'ai une ah bah, tu m'as interrompu. Ouais c'est ça, tu m'as interrompu, pauvre con. Bon bah très bien. Bon bah merci beaucoup hein. D'accord, ça va. Un gros bisou à toute l'équipe et salut Solène. Vous êtes, les meilleurs. Oh c'est voilà, gentil Solène, merci beaucoup. Et je vous écoute tous les jours, vous êtes des ouf. Et franchement t'écoute, vous j'aime trop. T'écoutes depuis quand? Ah ça fait je vous écoute tous les jours, du matin au soir, c'est. D'accord, donc t'es fidèle à FN, c'est bien. Ouais. Ouais, bah, voilà. C'est très très bien. Je te fais des bisous, je t'embrasse, à bientôt Solène. Merci, bisous, ciao, salut, bye. Salut, ciao. Il y a le bœuf ferré qui nous dit, nous il y a 20 ans quand on était jeunes, on prenait du café électrique à la sortie des boîtes. C'est du café avec du ricard et après t'as la patate toute la journée. Oh ah, mais ouais. Quelle horreur. Ça doit être dégueulasse, mais pourquoi pas. Oh café ricard, c'est-à-dire que celui-là il doit être violent à boire aussi. Il y a Romain sur le Facebook, salut pour info, j'ai un bon truc anti-fatigue. Un bon pétard bien dosé, hop, allez se coucher après. Si ça marche pas, faut en prendre un deuxième. Sinon, pour que ça vous fasse exploser d'énergie, café, joint, boum. Pour moi, ça marche, mais je te rajoute un peu de vodka avec. Oui, bah comme ça, t'es complètement mort. Ouais, c'est ça. Et si au troisième joint, ça marche pas, en fait, t'es défoncé pour la journée. Voilà, c'est ça. Lola qui dit branlé sur les Simpsons, mort de rire. Et alors, Nicolas également, Mickaël, tu déchires ma couille. Merci, Nico. Chris également, boîte de jour, j'en peux plus. Comment ils savent pour le top tweetos, c'est extra... Gornax qui avait envoyé le message. Alors en fait on a un site internet où on a payé un abonnement. Alors je vous ai une blinde pour que ça marche pas. Si ce putain de micro il se déboîte encore tous les soirs à la même casse. Heure, le truc il tombe quoi. C'est dingue. Il est où le morceau? Il est par terre. Attendez. Voilà. Il est vraiment là, hein. Bah ouais, non, mais il tombe. Chaque fois, il tombe. Alors, c'est un piège. Donc, je disais que nous avions pris un abonnement sur un site internet qui calcule le nombre de tweets que vous mettez. Donc, ça veut dire que si, j'en sais rien, moi, Tof tweet, eh ben, on va voir. Je peux dire combien il y en a. Voilà, combien de fois il a tweeté avec le hashtag et Mickaël. Et donc, du coup, on peut faire notre top 5, tout simplement, voilà. Mais là, ça marche pas. Quoi, c'est en panne? Oui, c'est en panne. Oh putain, là là, Tof. Maintenant qu'on a enfin réussi à hack et fun. Voilà, c'est-à-dire que maintenant qu'on paye, ça ne marche pas. Oh putain. Alors qu'avant, on les escroquait, on l'utilisait un peu en fraude, mais là. Voilà, bravo. Il y a Simon qui dit il me suffit d'écouter de la bonne musique pour rester réveillé, c'est vrai. Et Drakit également, je me tape des grosses barres en écoutant Mickaël No Limit. Merci Drakit. Et Maxime qui dit tu peux passer Tony Junior avec Immortal. Moi perso, la première fois, c'était à 13 ans. Alors attends, Tony Junior, je vais essayer de le retrouver, de voir si on a celui-là et je te le mets si on l'a, il n'y a pas de problème. Et pour ceux justement qui veulent rester réveillés, eh bien, quoi de mieux que le nouveau Martin Garrix. Ah, attention, hein, pour ceux qui sont en train de s'endormir comme Polo qui est en train de bailler là, je pense que ça peut lui mettre un petit coup de patate dans la gueule là. Ah, je pense que là on est pas mal du tout même. Mais quand même, bonne âme, viens. Ah, ça va être génial. Trop tard, j'ai joué. We're sorry, the number you have dialed. Fun Radio. Mickaël No Limit, No Limit. C'est tous les soirs, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Et on est en direct évidemment sur Fun Radio avec un petit remix spécial là, de Martin Garrix et Helicopter. Alors c'est Martin Garrix featuring Jean-François qui était avec nous. Ah bah oui, il y a Delphine qui dit le meilleur remix que j'ai entendu. Merci Delphine. Il y a Tipsa également, remix avec Jean-François, ça déchire. Drakid qui dit mort de rire, Jean-François qui s'incruste, oh my god. Et Benji, pété de rire, je suis plié. Ma mère qui arrive au moment où Jean-François dit je mets un doigt dans le vagin. Plié. Ah bah on embrasse tous les parents qui écoutent là pour la première fois peut-être aussi. Florian qui dit pas mal de passer JF sur Martin Garrix. Et Lola qui dit vas-y, j'ai kiffé le remix. Eh, on essaiera de remettre le remix dans la boîte là, ils vont être contents, tiens, au Whiz Club. Ah bah oui, ils vont adorer. On va se refaire un petit remix vendredi au Whiz Club. C'est à Neulémines pour ceux qui veulent venir nous rejoindre. C'est à peu près à 30 minutes de Lille et de Lens. C'est ça, hein, grosso modo. Ouais, c'est ça, ouais, c'est juste à côté de Béthune. Ouais, voilà. Donc si vous voulez venir nous rejoindre dès minuit, on sera là avec plein de cadeaux pour vous, toute l'équipe de l'émission. Et puis bah, Et puis vous, hein, si vous voulez venir nous rejoindre, vous êtes donc bien sûr les bienvenus. On a des places d'ailleurs à vous offrir. Si vous voulez, vous envoyez un petit mail mikael@funradio.fr. Et on sera le lendemain au Havre également. Là, c'est au Caliente. Et on vous mettra le remix également. Voilà. Ah. Parce qu'on n'est pas des enculés. On va le faire tourner le remix. Voilà. Il y a la petite fée qui dit pliez le remix, là, sérieux, vous êtes puissant. Delphine qui dit le meilleur remix que j'ai jamais entendu. Et Marikel qui dit ça me rappelle le remix de War Beach au début du mois de novembre. Tu devrais en faire plus souvent. Bah ouais, mais alors on m'a dit que j'en faisais trop. Du coup, je l'ai plus fait. Bah je vais le refaire du coup. Tant qu'à faire, autant écouter ceux qui écoutent. Skytronic aussi qui dit Jean-François qui mixe sur du Garrix. Attention aux semences blanches sur les platines. Ça scratch moins bien après. Oui, effectivement. La petite fée qui dit petit remix sur la chanson avec Jean-François, c'est bon ça. Bon bah très bien, bah vous avez bien kiffé, tant mieux. Merci en tout cas pour tous vos messages. Je sais comme ça que je pourrais le refaire de temps en temps. On va faire quelques appels encore avec Toff, un petit mais dernier oui, là. Allons-y. Avant que tout le monde dorme. Oh, oui. Appel puisque nous sommes tombés sur cette grande information qui disait que 36% des femmes, en tout cas qui l'ont avoué, hein, 36% des femmes donc pense à un autre mec pendant qu'elles font l'amour avec leur propre mec. C'est ça, et ça c'est scandaleux. Et ça c'est une honte, c'est effectivement. Honteux. Donc on y va, on appelle, c'est parti, afin de vérifier. Je rappelle que si vous avez des numéros de téléphone à proposer, n'hésitez pas sur je le mail de Toff. Plaisir. Bien sûr, toph@funradio.fr. Allez, c'est parti, on y va, on appelle maintenant. Je ne sais pas du tout où on va, mais je sais pas. 1h43, c'est parti. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir si vous étiez sûr que votre femme pensait à vous pendant que vous lui faites l'amour. Ça va, vos conneries. Bah, corner. Que... Ah, corner. Bah, enfin, monsieur, pourquoi vous dites ça? Je voulais savoir vos impressions lorsque votre femme vous lui fait l'amour à votre femme. Mais je crois qu'il n'a pas compris la question. Il n'a pas compris la question. Non, il n'a rien compris. Ah, il n'a pas compris. Bon, attends, on le rappelle. Bah oui. Il a voulu dire enculé de connard, il est resté sur connard. C'est bien, c'est la politesse du monsieur. Oh, tu vas pas nous faire chier. Hein. Non, mais excusez-moi, monsieur, mais vous n'avez pas compris la question. Allô? Je crois qu'il est parti. Il est reparti. On va le rappeler, hein. Oh, il avait l'air bon pour ton début, hein. Ouais, mais puis là. Bah oui, là, il est. Il fait pas encore une fois, je dépose plainte. Oui, mais excusez-moi, monsieur, mais vous ne m'écoutez pas, vous n'avez pas compris la question. Non, non, encore une fois, je dépose plainte. Bah oui, écoutez la question, monsieur. Allô? Oh, putain. Quel relou. On rappelle? Bah oui. Bon. Putain, ça me remonte au café, pourtant j'ai bu qu'une goutte. Vous m'emmerdez. Mais non, monsieur, mais vous n'écoutez pas la question. Oh putain, bon bah tant pis, hein. Bah c'est pas grave, ça arrive, c'est comme ça. Les mecs sont parfois bornés, alors qu'ils répondent. S'ils répondaient, ce serait tellement plus facile. Mais oui. Il y a Benji qui dit DJ Nils va être ravi au Caliente samedi soir. Oui, mais ça va aller, t'inquiète. La petite fée qui dit oui, j'y serai moi, Wiz, hâte de vous voir. Bah venez nombreux et nombreuses, hein, la petite fée. Est-ce que t'as eu tes deux places, la petite fée là? Sinon tu me fais un mail et je t'enfilerai des deux places pour venir avec la personne de ton choix. Oh Wiz, donc à Neu-les-Mines, ce sera vendredi soir. Le prince Nadia qui dit mille merci, Mickaël, pour le remix improvisé avec Jean-François sur le nouveau Martin Garrix, tu assures tellement. Écoute, j'ai fait ce que je pouvais. Et Benji Spears qui dit motherfucker le remix à l'instant. Bah tant mieux si vous l'avez bien aimé, c'est plutôt une bonne nouvelle. Qu'est-ce que j'ai à dire? Retour avec Maximilien là de Longwy dans le 54. Ça va Max? Maximilien? Ouais. Ah, il est là, très bien. Bon, Max qui est avec nous, 17 ans, tu voulais réagir justement par rapport aux appels de Toff. 36% des femmes donc apparemment pense à autre chose, enfin on pense à un autre mec pendant qu'elle couche avec leur propre mec ou leur mari par exemple. Alors, est-ce que ça t'est déjà arrivé ou est-ce que tu as déjà pensé à quelqu'un d'autre toi Max? Non, je pense à quelqu'un d'autre quand je fais l'amour à ma copine. Mais pourquoi? Elle est moche? Bravo. Bah elle est pas moche, mais je pense à quelqu'un d'autre quoi. Mais qu'est-ce qu'elle est relou? De quoi? Non, je dis elle est pas moche, non, mais qu'est-ce qu'elle est relou? Je peux le comprendre, ça m'est arrivé une fois. De je quoi, pense à quelqu'un d'autre? Ouais, je fous. Non, mais quand t'es un peu rapide, t'essaies de penser à une catastrophe. Non, c'est à la fin. Non, c'est à la fin, parce qu'à un moment donné, parfois c'est long. Ouais. Non, c'est moi, ça. C'est dès le début, moi. Ah, ouais, ah toi, c'est dès le début, ouais. Non, mais laisse-moi expliquer. Bon, ils s'en foutent. Non, mais vas-y. Non, mais si vous en foutez, des mecs, ils se vexent. Non, tu fours. Au bout d'un moment, des fois, ça dure très longtemps, tu vois. Ouais. Parce que tu t'arrives pas à contrôler le truc. Et ben, en fait, je pensais à une actrice porno. Et puis là, bah, j'ai éclaté le truc. Bah, sinon, pour les précoces, très bon plan, pensez à Toff. Je me suis essuyé sur les cheveux de la fille et tout. Oh, quelle horreur. C'est vrai. Ah oui, je n'en doute pas, mais quelle horreur quand même. Bon, qu'est-ce que j'allais dire? Donc, ouais, tu penses à qui alors, Max, tu m'as dit? À ma meilleure amie. Ah, mais pourquoi tu ne tapes pas la meilleure amie alors? Ouais, c'est plus simple en fait. Bah oui. Parce que je la vois plus et tout ça, donc c'est pas évident. Ah, donc tu penses à elle alors que tu la vois plus? Ouais. Donc, c'est plus ta meilleure amie? Bah si, si, mais c'est compliqué en fait. Ah, c'est compliqué. D'accord, ok. Bah alors explique, on est là. Coupe ta radio déjà, parce que ce sera plus facile. C'est une nouvelle dev et tout ça, donc c'est pas évident. Ah ouais, mais ouais, donc c'est pas compliqué, c'est juste que vous êtes en froid quoi. Ouais, voilà, c'est un peu ça. D'accord, bah essaie de reprendre contact avec elle. Bah j'arrive pas justement, c'est pour ça que je faisais appel à vous. Mais comment elle s'appelle? Laetitia. Laetitia, et t'as son numéro de téléphone, sinon on l'appelle nous. Ouais. En plus, à 1h47 du mat, elle va être ravie. Ah oui. Moi, je pense que c'est la meilleure heure pour appeler les gens. Franchement, je pense aussi. Hein. Non, mais attends, t'as peut-être perdu sa piste. On a Sherlock Holmes là qui peut la retrouver. Ah oui, on a également Marc de Paris là tout à l'heure. Cluedo, paf. Exactement, non, lui, il va. J'ai son numéro, Ah. T'as son numéro ? Bah attends, on va le prendre en antenne là. Bouge pas, Maximilia. Là. On va prendre également Stéphanie avec nous. Du Val d'Oise, salut Steph. Salut. Comment ça va ? Moi ça va toujours et vous? Bah oui, très bien. Bon alors t'as déjà pensé à un autre mec pendant que t'étais en train de baiser ou pas? Mais tout le temps. Ouais. Ah bah alors, je fais que ça. Je me fais bourrer le cul. Tu penses à qui? Tu penses à Toff? Non, ah, mon Dieu. Ah bon, d'accord, ok, putain, j'ai eu peur. Hein. Bon, du coup tu... Excuse-moi, mais ouais. Je pense qu'il y a... Je fais un petit temps mort là, parce que je pense qu'il y a un truc entre Toff et Stéphanie, parce qu'à chaque fois elle dit ça. Ouais, tu sais, genre il me dégoûte, mais après elle kiffe. Ouais, dégoûte. C'est vrai, ouais. Ouais, alors qu'en fait elle me kiffe, mais je sais bien que tu me kiffes. Ouais, un jour il se passera, ouais. vous ferez peut-être des petits un jour. Hein. Oui. Non, ça va aller. Va savoir. Bon, du coup, penses à qui toi alors? Personne en particulier, voilà quoi. Celui qui me passe dans la tête au moment là quoi. Mais pourquoi tu penses pas au mec avec qui t'es en fait? Bah, à l'heure actuelle, je suis avec plus personne, donc c'est un problème. D'accord, mais, ok, mais je veux dire, au moment où tu couches avec quelqu'un, je me doute bien que tu nous as pas appelé en train de baiser. Enfin, vous pouvez le faire, cela dit, hein, nous on est preneurs, hein, mais. Bah écoute, la prochaine fois, je t'appelle en même temps. Bah, si tu veux, d'accord, ok, pourquoi pas. Voilà, Toff pourra se masturber comme Jean-François. Jean-François. Voilà. Ah oui, voilà. Ça va m'exciter. Moi, je jouis. Voilà. Laisse-moi jouir. Ouais, bah, il l'a fait tout à l'heure, hein, donc on est tranquille à ce niveau-là. Donc tu penses. Donc pourquoi non, tu ne penses pas au mec? Quand j'étais avec le père de ma fille en dernier, c'était, je me faisais tellement chier au queue que je pensais à quelqu'un d'autre. Mon plan cul à côté, pour voir histoire de le satisfaire, on va dire. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, bah en même temps, t'as fait quand même un gosse avec lui. Tout à fait. Bah donc il était quand même pas si chiant que ça. Pas ma fille, hein. Si, c'est juste la première fois, ça a dérapé. Ah oui, d'accord. Non, parce qu'après, il y en a qui vont directement jackpot, quoi, tu vois. Il y en a qui galèrent pour avoir des gosses, par exemple. C'est pendant des mois ou des années, ils galèrent, ils essayent, ils galèrent, ça marche pas. L'autre, ah bah la capote a craqué, bam, bingo dedans, quoi. Ah non, moi je suis resté 7 ans avec le père de ma fille. On a attendu plus d'un an et demi avant d'avoir ma fille, voilà, quoi. C'est, ah ouais. Et en dernier, je parle de vers la fin, vers les 6 ans et demi, 7 ans, ça n'allait plus trop entre nous. Et, d'accord. Bah, du coup, comme il avait des envies, ce qui est tout à fait normal, et bah, du coup, je pensais à mon plan cul pour pouvoir le satisfaire. D'accord, mais écoute, j'ai envie de dire pourquoi pas. Alors, bah, merci en tout cas, Seb, de nous avoir appelé. Hein. Et comme d'hab, tu reviens quand tu veux, sans problème. À bientôt. Salut. Ciao, Steph. À bientôt, ciao. Maxime, on a le numéro de ta copine, là, Laetitia. Là. Oui. Tu l'appelles ou je l'appelle? Vas-y, appelle-la. C'est le mec, il a peur. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise, moi? Bah, je sais pas, comme tu veux. Parce ouais, que dis-lui un truc, on s'en fout. T'es conscient qu'à cette heure-ci, je vais me faire... Tu sais pas, peut-être elle est en train de se faire déglinguer par un autre. Oh, elle se couche tard, t'inquiète. Elle se couche tard, t'inquiète. Bon, ok, d'accord. Bah, écoute, alors si je dois pas m'inquiéter, tout va bien. On y va, quel âge est-là, elle? 17 ans. 17, ok. Allez, hop, c'est parti, on y va. Je sais pas pourquoi, je sens que je vais me faire insulter. Non. Si. Allô? Oui, allô, Laetitia? Oui. Salut Laetitia, ça va? Oui, c'est qui? Je te dérange pas? Non. Bon, je t'appelle, t'es célibataire ou pas en ce moment là? C'est compliqué. Ah, c'est compliqué, d'accord, ok. Oh, like. Très bien. Non, mais attendez, c'est qui là? Bah, en fait, si tu veux, j'ai un pote qui te connaît. Et il m'a avoué que pendant qu'il couchait avec sa copine, en fait, il pensait à toi, ce qui m'a un peu perturbé. Alors, il m'a donné ton numéro de téléphone pour que... C'est quoi l'histoire, là? Non, mais c'est sérieux, hein. C'est sérieux, ce que je te dis, hein. Ouais, mais t'es qui, toi? Moi, je m'appelle Mickaël. Ok. Voilà. Je connais pas Mickaël, hein. Non, mais bah, en même temps, tu m'as demandé mon prénom, je te le donne, hein. Ouais. Voilà, mais je t'ai pas dit qu'on se connaissait. Et donc, du coup, bah, ce pote que nous avons en commun, bah, quand il couche avec sa meuf, bah, il pense à toi, ce qui était assez glauque. Ouais, mais c'est qui? T'as pas une idée? Ben non. Son prénom commence par la même lettre que le mien. Attends, t'appelles Mickaël? Ben je sais pas, moi. Bah Mickaël, donc M, hein, voilà, ça c'est sûr. Et donc, non? Ben non. Non, mais parce que là tu sors avec quelqu'un, même si c'est compliqué ou pas? Ouais. Comment il s'appelle? Pourquoi? Bah son prénom, comme ça. Baptiste. Ah ouais, bon bah oui, évidemment. Mais donc c'est compliqué, c'est vers la fin ou c'est compliqué parce que ça n'a pas démarré encore? Non, bah c'est compliqué parce que ça... Il y a la distance et tout, donc voilà quoi. Et la meuf me raconte sa vie alors que le mec est passé beau. Et donc, d'accord, ok. Et ouais, c'est la distance, ouais, d'accord, ok. Et un mec qui s'appelle Maximilien, ça te parle? Ouais, c'était mon meilleur ami. Ah bon, pourquoi ça l'est plus? Bah, je sais pas, on se parle plus vu qu'il était avec sa meuf, et bon, on se parle plus quoi. Ah d'accord, ok, ouais. Parce que lui, il pense souvent à toi encore. Hein. Pourquoi il pense à moi, lui? Bah, apparemment, quand il baise... En plus. Il pense à toi. Ok. Hein, Max? Ouais, c'est ça. Ah, c'est quoi le délire là? T'es avec qui là, toi? De quoi? Mais t'es avec Mickaël là, je sais pas quoi. Bah ouais. Je sais pas quoi. Voilà. Bon, bah Maximilien, vas-y, il est là maintenant, là, profite. Ouais. Réveille-toi! Et tiens, tu manques. Ok. Ah, elle sombre, là, je te le dis, Maximilien. Non, mais attends, le gars, il est en couple, il me donne plus de nouvelles, et puis là, du jour au lendemain, il me rappelle pour me dire ça. Bah il donne plus de nouvelles, il pensait à toi pendant qu'il était en train de la défourailler. Ah, mais c'est sympa, tu sais, bah, je sais pas. Il a limé, il pensait à toi. Bah, c'est super, je sais pas. Ça veut dire que ta meuf, elle baisse mal, alors. Non, ça veut dire qu'il t'aime. Avec toi, quoi, mec, je t'aime aussi. Oh là là, c'est beau. Allez, rendez-vous dans une boîte de jour. Mais attends, là, t'es avec qui là? Ah oui, pardon, on a oublié de faire la présentation. T'es sur Fun Radio, Laetitia, c'est Mickaël, No Limit, là, jusqu'à 2h. C'est pas vrai. Et si c'est vrai. Oh là là, bon. C'est mon dieu. Bon, alors, du coup, est-ce que tu laisses une petite chance à Maximilien ou pas, là? Il a dit qu'il virait sa meuf, il a dégagé, il avait rien à foutre. Je t'aime, Laetitia. Il s'est lavé la bite. Allez Laetitia, juste un doigt. Ouais, j'ai rien à foutre, il lâche la pute et après on verra parce que pas de nouvelles depuis 2 mois, voilà. Il a lâche la pute et puis il se lave le gland et tout. Voilà. Il sera propre. Bon Maximilien, est-ce que tu lâches la pute ou pas? Pardon? Est-ce que tu lâches la pute ou pas? Ouais, je la lâche, allez. Ouais, allez parce que tu feras, eh ben voilà. Lâche la pute et tout, et puis voilà. Exactement, bah voilà Maximilien. Eh hey. Bon. L'affaire elle est pliée comme ça au moins. Ouais, c'est nickel. Eh ben voilà, c'est impeccable, parfait. Bon ben Laetitia, eh ben bonne bourre, hein. Ouais, voilà, bonne bourre. Bah, salut à vous deux, hein. Vous nous rappelez quand vous avez consommé. Ah ouais, quand vous avez... Et au moment où vous consommez, vous penserez à nous, et puis surtout, vous nous rappelez en direct, hein, d'accord? Ok, y'a pas de soucis. Mais une GoPro sur ta bite. Y'a jamais de soucis, mais j'ai jamais de nouvelles, hein. C'est bizarre, hein, quand même. C'est bizarre. Enfin bon. Timothée également, qui est avec nous de Nancy, là. Salut Timothée. Salut Mickaël. Oh, il est fragile. Timothée. Bah qu'est-ce qui va pas Timothée, ça va ou quoi? Oh, il est fragile. Ça va, mais je fais pas trop de bruit parce qu'il y a plein de monde qui dort. Oh, t'es doux. Ouais, enfin t'es daron quoi. Non, c'est pas mes darons en fait, on est dans un truc de... dans une genre de colonie, mais il y en a qui dorment, il y a la moitié qui dorment, et puis il y en a... Oh, il y a mis le feu aux tentes. Non, non. Bon, qu'est-ce qui t'amène Timothée? Il est doux, écoutez-le, écoutez la douceur. En gros, en fait, on a un pote qui... Oh, ça a du duvet, ça. Attends, on l'entend rien de ce qu'il dit. Il y a un pote qui quoi? Qui saute au sus. Ah, c'est bon, ça. C'est bon, ça. C'est toujours doux. C'est vrai, hein. Hein, c'est parfait, là. C'est toujours doux, c'est toujours du duvet. C'est comme dirait Marc, c'est sucré. Moi, je vous... Oh putain. Oh, t'es un bon Timothée, toi. Ah ouais, là, on tu nous bon, as mis là. Bien, là. Mais comment ça, il s'auto-suce? Bah, genre, vu qu'il est souple, enfin, c'est ce qu'il me dit, ça... Non, mais ça... j'ai compris que ce qu'il fait, mais à quel moment un mec a envie de s'auto-sucer, quoi? Alors, je veux bien croire. De quoi? Dans son lit, le soir. Non, mais j'ai compris. Mais je veux bien... Qu'est-ce qu'il y a, Tim? C'est qui parle? Mais en fait, on est plein, là. Ah d'accord, ok. D'accord, donc, mais alors, celui qui s'auto-suce, il est avec vous là ou pas? Non, il est pas là. Ah merde. Ah dommage. Bon, donc, à quel moment un mec, je sais qu'il y en a qui peuvent être en galère, je peux comprendre plein de trucs, mais à quel moment tu t'auto-suces, que tu te branles en pensant à une meuf qui te suce, que tu penses à plein de trucs, j'ai pas de problème. Même enfin, à Toff, c'est possible. Ah, Toff, tu t'es... Ah non, mais il est passé souple, lui. Non, je peux pas. Il y a le ventre au milieu. Mais attends, j'ai eu... Le ventre mou. Essaye un peu pour voir là si t'arrives. Non mais je peux pas, ça vas-y Top, je te pousse. Jusqu'où, je vais là pousser. Attends, je vais pousser Top. Attends, nickel. Ça sur moi un mètre de ma bite. Vas-y, attends, vas-y, attends Timothée. Ah, non, il arrive pas. En même temps, s'il avait une vraie bite, il y arriverait, mais bon. Non, mais non, mais même avec une bite de 30 cm, j'y arriverais pas. Ouais, Timothée, tu voulais dire? Ouais, bah attends, je te passe un pote, je pense qu'il va mieux te dire. Ah bah vas-y, vas-y. Et d'où Timothée? Mais il est parti. Il est de Meurthe-et-Moselle. Mais non, regarde, même avec la bouteille de Badois, j'arrive à peine. Il est à Nancy. Allô, à peine à lécher le bouchon. Salut, comment tu t'appelles? Gaspard. Salut Gaspard. Oui, rock'n'roll. Gaspard. Alors, ça rime avec bâtard. Oui, exactement, oui. Bon. Eh ben, merci. Et t'es de l'art aussi. C'est vrai. Bon, alors, toi, tu t'autosuces? Non, c'est pas moi, c'est un pote à nous, en fait. Oui, oui, bien sûr. Attends, regarde mon clin d'œil. Tout à fait, on a compris. On s'est compris, Gaspard. Il n'y a pas de problème. Ouais, ouais, ouais. Si tu veux, allez. alors, non, mais en fait, il a dit que Timothée a dit que comme il était souple, en fait, il faisait ça à la place de se branler, en fait. Il ah ouais préférait, il a déjà fait les deux, il préférait ça, en fait. C'est, et il avale ou pas? Oh non, il nous a déjà dit qu'une fois, il s'est mordu, en fait. C'était... Ah bah oui, ça, c'est le problème, c'est du débutant, hein, le... Est-ce qu'il se fait des faciales de temps en temps? C'est l'erreur du débutant. Oh, c'est dingue. Oh, c'est bien dégueulasse. Oh, j'adore. Je suis fan de nous. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Bon, et donc, du coup, mais vous l'avez vu? Non, non, on l'a pas vu. Fait. Enfin... Faut faire un selfie. Un selfie. Eh ouais, tu fais un selfie avec le mec en train de s'auto-sucer, vous nous envoyez ça, c'est drôle. Ah, ouais, mais bon. Non, mais en fait on l'a pas vu, mais enfin, on a pas eu le voir, en fait. Enfin, on avait réussi à oublier de fermer les toilettes, mais... Ah, quelle horreur. Alors, on peut en parler demain, tiens. Est-ce que vous avez déjà vu des meufs ou des mecs, là, en train de se faire des trucs un peu bizarres, genre s'auto-sucer, hein. Donc, ça peut être violent. Timothée, attends, tu peux me repasser Timothée, s'il te plaît? Ouais, ouais. Petite douceur. Ouais, et je voulais juste dire que vous êtes les meilleurs. Oh, merci beaucoup, et embrasse tout le monde à la colonie, là. Ouais, salut. Salut, salut, mec, ciao. Allô? Ouais, bon, Timothée, t'es dispo demain à 23h ou pas? Demain 23h, bah ouais, hein, toujours. Bon, bah très bien, parfait, Timothée. Et quoi, vous écoutez Fun, là, à la colonie? La 23h, bah oui, enfin, pas tout le monde. Y a pas tout le monde qui écoute, mais... Non mais bon, tu fais la pub, quoi. Ouais, bah moi j'écoute depuis début septembre. Ouais, bon, bah, c'est parfait, Timothée. Et bah c'est très très bien, Timothée. Bon, on te rappelle demain 23h, d'accord? Attends, je te fais un bisou sur la joue. Timothée, mets ta joue là. C'est un peu difficile. Mets ta joue, Timothée. Timothée, je te fais un bisou parce que t'es doux. Voilà. Je peux faire une dédicace? Allez, vas-y. Je fais une dédicace à mon cousin Gianni, je pense qu'il m'écoute là. D'accord, ok, très bien, bah, le message est passé, c'est bien. Salut Timothée, à demain. Ouais, demain. Salut, ciao à toi, bye bye. Bon bah voilà, salut. Et salut Gaspard, et salut tous les autres évidemment. Ouais. Oh, l'autosus. Oh, j'adore. Là, on était pas mal. Oh, j'adore le sujet. Hein. Ah, bon. Bah bien sûr, ouais. parce que Polo s'autosus. Tu peux, t'es assez souple. Arrête. Ouais, il est pas assez souple, mais il aurait bien voulu, quoi. Ah, peut-être. Si j'étais souple, peut-être que je tenterais l'expérience. Ouais. Bah exactement, mais tu pourrais éventuellement. Ouais. Oh. Bon, on va se mettre le son de Major Lazer, tiens, ça me paraît un bon plan ça. Hop là, avant de partir, avant de faire Polo contre le reste du monde. Si d'ailleurs vous voulez participer à cette grande émission Polo contre le reste du monde, eh bien inscrivez-vous maintenant. Vous appelez 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. On aura des résultats, j'espère, du Top Twittos. Major Lazer et Shana Paul. C'est Come to Me sur Fun Radio. Bonne nuit. Come to me. Pendant que certains braquent des tirelires, que d'autres s'inventent des vies, Mickaël, lui, tel un justicier, vous donne la parole. Il est plus gros qu'à nous. Mickaël No Limit, tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Exactement, on est en direct sur Fun Radio, comme tous les soirs de 23h à 2h du mat. Et puis bah évidemment tous les dimanches soirs de 20h à minuit avec Nespa qui va encore envoyer un message là. Merci Timothée d'avoir appelé mort de rire. Ah oui putain, l'autre avec son autosus là. Samia qui est scandalisé également. Le Messi de la vanne qui dit comment je m'attendais pas à ça, je suis en train de décéder. Et le Popon sur le Twitter, vous êtes des grands malades. Kevin également, pour rester réveillé il suffit d'écouter Mickaël, c'est bon, ça nous met la patate toute la nuit. Et ben tant mieux, on est ravis de l'apprendre. Et puis en même temps c'est naturel. Et Marie-Kiel aussi, Toff, comment a-t-il pu boire son café si c'est un fantôme? Mais c'est parce que c'est un fantôme qui arrive à tout faire. Un fantôme d'enculé, donc. Exactement, ça peut tout faire. D'ailleurs, Polo a pris la place de Toff, justement. Je me transforme en enculé, et ça y est. C'est la place de l'enculé, hein, dans le studio, il faut quand même le savoir. Je suis pénétré par l'enculage. Oh, quelle horreur, quelle horreur. Que le stagiaire va me poudrer la bite, s'il vous plaît. Bien allez, entendu. On y va. Évidemment, elle arrive directement pour te repoudrer la bite. Bon, on va se faire cette grande émission, pardon. On y va ? Eh ben, une seconde. Ah bon ? Bah, parce que je suis pas prêt. Ah, voilà. Vous êtes dans Polo contre le reste du monde. C'est maintenant et c'est sur Fun Radio. Ah. On rameute les troupes. Voilà. Bon, on y va. Bienvenue tout le monde, c'est parti. On y va et on commence tout de suite avec Françoise. Bonsoir, j'aimerais parler à Jean-François. Il n'y a pas encore de Jean-François, Françoise. Ah bah. On va l'appeler, t'inquiète pas. Jean-Bernard. Oui, allô Polo. Oui, bonjour. Oui, bonsoir Polo. Ouais. Voilà, je m'appelle Jean-Bernard, suis la bite à l'air. D'accord. Et je voudrais m'astiquer dans ton émission. Bah vas-y, astique-toi, commence. Jean-François. Ah. Bon, on le rappelle. Qu'on rappelle Jean-François. Jean-François. Oui. Ouais, il y a Françoise qui veut te parler. Ouais, je veux te parler. Vas-y, Françoise. Jean-François. Oui. Est-ce que tu peux me laisser la chatte? Ouais, si tu veux. Et quand tu gicles du sperme, tu me le mettras dans ma bouche. Calme-toi, Françoise, calme-toi. Oh, je suis excitée, là. Dans le respect. Tu mouilles. Oui, je mouille, Jean-François, je suis une fontaine et une gorge profonde. Besoin d'avoir un thème. Bon, attends, deux secondes, Jean-François, calme-toi, essaye de faire redescendre la pression. Jean-Bernard, le retour. Jean-Bernard. Toujours dans Polo contre le reste du monde, ouais. Oui, c'est Jean-Bernard. Ouais, vas-y, Jean-Bernard. Oui, Polo, c'est Jean-Bernard. D'accord, Jean-Bernard. Oui, Jean-Bernard. Jean-Bernard. Oui. Ouais, putain, il est ouf. Jean-Gaspard. Oui, Polo. Ouais, je t'écoute, ouais. C'est Jean-Gaspard. Salut, Jean-Gaspard. Tu sais que t'as une voix excitante. Ouais, je sais, ouais. Je me branle sur ma voix, tu sais. J'ai toujours voulu me taper animateur radio. Ah, mais je suis pas animateur radio. Mickaël est animateur radio. Oui, mais je préfère les chauves. T'es bien tombé, Jean-Gaspard, l'esprit de Toff. Polo, c'est Toff, je débute le ciel là. Ouais. Tu m'entends? Tu me reçois? Bah, je te reçois bien, 5 sur 5. Il est où mon esprit dans les studios? Bah, il est là, à droite. Ah, bah, je l'entends pas, c'est bien dommage. Bah, ça chlingue un peu, c'est normal, c'est toi, espèce d'idiot. Bah. Françoise, le retour. D'ailleurs, je suis de retour. Jean-François? Oui. Françoise? Ah, oui. Jean-François. Elle a dit qu'elle aimait bien les chauves. Ouais, non, c'est Jean-Gaspard, ça. Vas-y, Jean-François. Ah, bon, François, faut que je parle. Vas-y, faut qu'on parle ensemble. Est-ce que ça te dirait qu'on se rencontre? Bah, bien sûr, hein, ça me dirait trop. Ça, tu me fais bander, là. Vas-y, François, chauffe-le, là. Oh, bah, je suis chaud, là. Je suis brûlant. Je te mets la bite dans ma bouche, là. Ça fait 15 cm, alors attention. Putain, mais c'est pour ça que j'ai mal. J'ai mal. Larme, hein. Et deux secours en une heure. Hein. Oh putain. Jean-Bernard. Oui. Ouais, joins-toi à la conversation là, Jean-Bernard. Oui, Jean-Bernard, c'est moi. Jean-Bernard. C'est moi, je m'astique. Je vais venir, Polo. Vas-y. Je vais venir. Vas-y, viens. Oui. Ah là là. Viens. Ah, ça monte. Ah, viens. Ça monte. Viens, Jean-Gaspard, dans Polo contre le reste du monde. Je t'écoute. Oui, Polo. Oui. Tu es une voix excitante. Je sais, merci. Bon, je devrais normalement avoir un nouveau prénom le mois prochain. D'accord. Est-ce que tu as une idée de prénom? Non. Jean-Louis. Opération. Allô? Jean-Louis, ça serait bien, non? Jean-Louis, c'est un prénom féminin, je viens de me faire opérer, j'ai tout enlevé. Ah d'accord, ok. Jean-Bernard, retour. Ah, c'est trop tard. Ok, Jean-François. Oui. Bon alors? Comment ça se passe avec Françoise? Elle est là, Françoise. Elle est là, Françoise. Toujours avec ses gros seins, là. Touche-la. Touche-la. Tu peux me rappeler sur mon téléphone? Ah, putain. Bon, Jean-François, on va se calmer, là, tout de suite. Jean-Gaspard. Oui, Jean-Gaspard. On va y aller. Je veux que tu me démontes, Polo. Je vais te démonter ce soir. Là, tu me défends. J'arrive. J'attends, viens. Jean-Gaspard. Oui. Allez, fous le camp. Jean-Bernard. Oui, merci Polo, c'était... Attends, calme-toi. Françoise, tu conclues? Allez, je conclue. Jean-François. Jean-François, pour terminer? Oui, je me masturbais en pensant à Françoise. Je connais pas ton visage, mais je masturbais quand même. Vas-y, branle-toi, Jean-François, vas-y. Je suis en train de me branler. Vas-y, Jean-Bernard. Mais il y a ma chatte sur moi, je peux pas. Jean-Bernard. Oui, Polo. Vas-y, il y a Jean-François, là. Oui, bah, j'ai joui, ouais, moi, c'est bon. Jouissez ensemble, les gars. Mais je peux plus. Tenez-vous la caquette et jouissons tous ensemble. Jouissons. Jouissons, allez, Jean-François. Jouissons à l'unisson. Moi, j'ai ma chatte sur moi. Les mines, va là-bas. Allez, moi, j'aimerais bien avoir une grosse chatte sur moi. C'est au fauteuil. Bon, Jean-François, on va y aller, nous. Au revoir, Jean-François. Merci d'être venu. Jean-Bernard, tu conclus, s'il te plaît, ce polo contre le reste du monde. Ben, là, je me suis essuyé parce qu'il y en avait partout. Ouais. Et maintenant, je vais frotter par terre. Bon, bah, merci, Jean-Bernard. Mais avec plaisir, Jean-Bernard. Les cassons ne revient plus jamais ici. Ainsi se termine ce polo contre le reste du monde. Vous êtes toujours sur Fun Radio. Hop, on s'en va, les troupes s'en vont. Exactement, il faut partir, tout à fait. Bon, on va se faire le top tweetos dans quelques minutes. Là, il y avait plein de messages aussi. Il y a le Poupon qui dit je dors comme mon tweet est lu par Mickaël à l'antenne. Bah, d'ailleurs, il y a le Poupon. Antoine également qui est connecté ce soir. Alexis qui dit dire que j'habite pas loin du Wiz et je ne pourrais pas voir. Bah, pourquoi Alex là, putain, pour une fois qu'on est là, là, viens nous voir, merde. On est là vendredi au Wiz. En deux au Wiz, au club Wiz, c'est à Neu-les-Mines. Et on sera le lendemain au Caliente, au Havre. Donc, venez nombreux. En plus, on aura plein de cadeaux à vous offrir là. Il y a Log également sur le Twitter qui dit ah, juste énorme, Jean-François, François, Jean-Bernard, Jean-Gaspard, tout le monde était là. C'est à quel moment le top tutos pour Antoine? Bon, on va le faire maintenant le top tutos justement, tiens, voilà, hop là, on va vérifier immédiatement. Je rappelle qu'il fallait être numéro 1, donc l'auditeur le plus influent avec le hashtag Mickaël sur le Twitter de l'émission et que bah, on va donc maintenant vérifier quel est le numéro 1, la machine remarche, c'est parfait. Numéro 5, David. Numéro 4, le Prince Nadia. Numéro 3, DJ Roms. Numéro 2, Drakit. Et numéro 1, si donc la personne qui est numéro 1 a déjà gagné, à ce moment-là, on ira voir le numéro 2, 3, 4 et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on trouve un auditeur qui n'a pas encore gagné, parce qu'il faut laisser la place à tout le monde. Et c'est Paul PC28. Qui a déjà gagné, me semble-t-il. Oui. Oh, qui a déjà gagné, c'est dommage. Oh, donc on va voir lequel n'a pas encore gagné. Et il repartira avec un sextoy offert par passagedudésir.fr. Évidemment. Bon, Simon également, il suffit d'écouter de la bonne musique pour rester réveillé. Je me tape des grosses barres en écoutant, c'est Drakit également. Et bah Maxime, désolé, j'ai pas trouvé le Tony Junior avec Immortal. Je suis désolé. Et Lucky aussi, je suis plié avec vous. Et dire que ma mère croit que je dors. Je voudrais avoir un petit message de bienvenue. Bah vas-y Lucky, on va t'en filer un. Alors, un petit message de bienvenue. Oh bah oui, ça fait longtemps, tiens. Ça te plaît, cochon petit. Enculé, écoute-moi bien petit enculé. Si j'ai le bonheur de te retrouver, je vais te défoncer ta gueule. Je vais te raser la tête et je vais te crever les yeux. Au baltring que tu es. Voilà, donc tout ça évidemment était d'une traite, hein. On n'a pas remonté le truc, c'était d'une vraie conversation. C'est plutôt un monologue qu'il avait. Et donc apparemment le raser les cheveux était déjà sorti. Hein. Ah, il y en a dans le chéri, je peux te faire cocu là, l'autre, il voulait me raser les cheveux là. Il voulait me raser la tête. C'est une pratique. Mais du sud, je crois. Apparemment le Corse l'a fait effectivement. Bon, on se fait générique de fin ? Ouais, pas. Allez ! Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé ! Tu bouffes des bites, t'as te sucer, toi l'enculé ! T'es un enculeur, t'encules ton oncle, y'a vraiment personne qui encule comme toi ! Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé ! T'encules ton oncle, t'es un enculé ! Tu ne peux plus dormir ou bien manger car t'encules ton oncle toute la journée ! Ouais ! Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Mais la fin, on s'en fout ! Ton numéro, tu vois, Vignol ? Tu te fais niquer comme un âne ! Laisse-moi jouir. Eh ben tu vois, on a tracé ton numéro, tu vois, Guignol. Laisse-moi jouir. Qu'est-ce qui se passe ici? Va voir ta grosse mère. Elle est en train de se faire niquer dans un champ de bite, espèce de con. C'est un canadien. Tiens, l'enculé, connard. Toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé. Espèce d'enculé. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, t'as te sucer, toi l'enculé. Et ton oncle c'est un enculé. Oui tous les deux, on est des enculés, c'est vrai. Allez Lilou, suce ma bite. Voilà, quel talent comme d'habitude évidemment. Bon ben 2h13. On va partir. Ouais bah ouais. Hein, je serais bien resté l'autre, hein, cela dit. Ouais. Hein, jusqu'à 6h pépère, mais on vous l'offra à l'occasion, il n'y a pas de problème. Il y a NLRAC qui dit Mickaël, j'adore, continuez, vous êtes les meilleurs, merci à vous. Benjamin également, j'adore le rire de cet enculé de Toff. Non, c'était Polo avec le rire. C'était l'enculé de Polo, tu peux dire, hein, cela dit. Non, c'est l'enculé, c'est Toff. C'est vrai. Bon, on salue en tout cas Benjamin qui était avec nous ce soir. Il y en avait plein ce soir. Il y avait le père d'une salope. Ah, qui était numéro 1 du top tweet et puis hop, terminé. Eh oui, mais il a lâché l'affaire. Ah bah, ou alors il s'est fait. Ou alors il a trop tweeté et il s'est fait bannir. Enfin bannir. Ah. Peut-être. Bannir momentanément par Twitter. 69 degrés qui était là également. Il y avait Ryan, il y avait Mystique, il y avait également qui ? Il y avait GTR. Antoine évidemment hein, qui a surtweeté. Il y avait Grrr qui était là également. Le Poupon, etc., etc. Merci à vous encore une fois d'avoir été avec nous ce soir. On se retrouve évidemment avec plaisir demain soir sur Fun Radio à partir de à partir de 23h tout simplement. Là, tiens, voilà, on se retrouve demain 23h sur Fun Radio avec plein de cadeaux. Salut tout le monde. Ah, j'ai enfin trouvé la lampe du génie. Je vais enfin pouvoir faire les trois vœux.